Quentin et Timéo. Est-ce que si jamais tu étais sélectionné pour gagner 5000 euros, tu serais là pendant quelques secondes la personne la plus heureuse de France ? Oui. Ça te ferait du bien ou pas ? Ah ben, largement. Tu fais quoi dans la vie ? Comptable. Ah. on est sûr pour le largement ? Je tiens à te dire qu'ils sont donc toutes taxes comprises et exonérés d'impôts, comme tu peux t'en douter. Je travaille à la Banque de France. Je suis avocat. Stéphanie. Je suis contrôleur des impôts. Et on va se revoir, monsieur Coé. C'est pas très net tout ça. Il y avait un bibelot. Vous nous direz d'où viennent ces 5000 euros, monsieur Coé. C'est pas très net. Il y avait un bibelot. Oh, il est fort. Stéphanie. Oui. Tu as voté, tu as été tiré au sort. Je t'offre 5000 euros. Et oh, je t'offre 5000 euros. Ça pleure. Bah pourquoi il pleure les petits, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, mais il a un an. Il a un an, 5000 euros. Oui, mais il pleure, j'ai cru que j'avais donné une mauvaise nouvelle. Ça va nous faire passer une tranche. Maintenant, c'est mieux que les gens qui ne réagissent pas, c'est les gens qui pleurent. 5000 euros. On te fait un gros bisou, Stéphanie, t'es contente ou pas? Après. Voilà, bah tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, quand c'est pas... Ça s'entend pas. Je te fais un bisou, Stéphanie, ne raccroche pas, on va vérifier tout ça. Merci, Coé. C'est le mari qui est content. C'est qui est... Bah oui, il est content. Vous allez faire des cadeaux de Noël. Très content. Vous allez faire des cadeaux, vous allez faire ce que vous voulez. Je vous embrasse fort, j'embrasse les enfants. Passe-moi ton mari. À 10 000, t'avais une trompette. Ah, passe-toi ton mari. Ça va, le mari? Ça va et toi? Ça va, content? Ah ouais, trop, merci. Qu'est-ce que vous allez acheter avec 5 000 euros? Une nouvelle femme. Une femme plus expressive. Une voiture. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort, je vous souhaite un joyeux Noël. Les 5000 euros sont pour vous, passez une belle soirée les amis, à bientôt. Merci, à bientôt. Bisous, je vous embrasse, ne raccrochez pas surtout. On va vous laisser, on vous souhaite une très belle soirée. Demain, notre retour pour la dernière de la semaine. One man à Rouen tout le week-end. Ouais. Ensuite, ça va être du Lille, ça va être un peu partout. Et je vous fais des bisous et j'espère que vous allez kiffer ces derniers jours avant Noël, parce qu'on aura pas mal de surprises. On aura Rita Ora, on ira de Jennifer. Et je remettrai tous les jours à 17h30 dans le cache-cache encore plus de sous pour qu'on se crête comme ça, vous ayez plus de possibilités de gagner de l'argent. Comment ça va, Rico et toute l'équipe? Ça va, écoute, on va enchaîner avec Kenji, comment vous allez? Bah, ça va, on va très très bien. Le tacos. Il arrive, Kenji, après? Ah bah écoute, il arrive. Il est en pleine forme. Écoute, il sera là autour de 20h45. Il est plus malade? Écoute, non, il paraît que ça va mieux, il a mangé du tacos. J'espère qu'il va mieux, parce qu'il était malade il y a 15 jours. J'espère qu'il va mieux. Il était pas bien, on était déçus. Ouais. Bon, écoute, là, il est en pleine forme, il va tout donner, il est obligé, là, de toute façon. Bah oui. Il va et vous, le tacos? C'est Jeff, on va coucher Jeff. Ah ouais, ça y est? Ah ouais, ah oui, il est enceinte? Bah, 1,3 kg quand même, il a mangé. C'est un beau bébé. Et là, le problème, c'est qu'il est en train de se dire qu'il faut qu'il remange chez sa nana, donc je sais plus comment faire. Attends, je vais lui faire un mot médical. C'est horrible, parce qu'elle a mis 2 heures à faire à manger. Bah c'est choucroute ce soir. Donc. Surtout que c'est là que ce soir elle te dit: chérie, on a commandé au tacos pour te faire plaisir. Tu vas être bien. Bisous tout le monde, à demain. Ciao, demain 17h. Salut. Coé revient demain sur Énergie. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Kenji arrive, on va kiffer. Oh là là, ce Kenji, j'adore ce gitan. Non mais c'est vrai. Oh oui. Ah, je le kiffe. Ah, je suis comme un dingue sur lui. Franchement, c'est vrai. Ah, il m'a empêché de serrer un tas de gonzesses. On est là jusqu'à 23h. Tiens, en parlant des femmes, justement, je vais vous donner les phrases des femmes qui énervent les mecs. Alors, vous allez dire, oui, moi, je dis rien qui énerve. Mais on est un petit peu lâche, donc on n'ose pas vous le dire. Ouais. Ce soir, on va tout révéler. Il y aura aussi le Tinder de la peur. Sylvain accueillera sa prétendante chez lui. Et ce soir, elle va découvrir que c'est une supercherie, mais de façon très, très originale. Vous allez vraiment vous régaler. Restez bien avec nous. On va parler des relations toxiques, comment les détecter, comment s'en sortir. Il y aura aussi Sarah Magouille, nouveau concept. On vous le promet depuis 2 jours. On va se le faire ce soir, c'est promis. Comment va Sarah? Bonsoir à tous. Respire, Rico, par contre. Hein. Bonsoir tout le monde. Je t'explique. Tu t'es tout fait. J'ai Sylvain qui m'a fait une compression au niveau des Baloche. Je ne vais pas bien, ça va toi? Bah ça va au top, et vous les lâches? On va en apprendre ce soir. Oh là là, écoute, on a le droit, on fait cette petite chronique parce qu'on a besoin de vous dire des choses. Voilà. T'as des choses à nous dire toi? Oh, beaucoup. Comme beaucoup. Quoi? Bah je sais pas pourquoi quand on est énervé, vous nous dites t'as tes règles ou quoi? Oula, toi, ah, on peut pas s'énerver normalement en fait. Calme-toi, t'as tes règles ou quoi? C'est vrai, elle est nerveuse comme ça, on sait un petit peu. Ça va Sylvain? Bah écoute, en pleine forme, mais. Ouais. Au feu les pompiers, j'ai le caleçon qui brûle. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ce soir, spécial Tinder pompier. Oh là là, il est pompier. Je crois qu'il va enseigner les gestes de premiers secours à sa nana. L'émission est déjantée ce soir. Il n'y a que des fous. Ça va, JM? Écoute, au taquet, j'ai hâte de voir ce que va donner Sylvain, ce Tinder. Ah oui, écoute, on va se régaler, ça va être énorme. Kenji arrive. Et les amis, enfin, les phrases des femmes qui énervent les mecs, ça tombe tout de suite, les amis. Eh oui, on va se régaler. Trouve pas que j'ai un peu grossi? Ah, ça, déjà, ça irrite. Ouais. C'est la première. J'en ai une dizaine comme ça. On en parle tous ensemble. Sarah, tu pourras tout dire. Ouais. Vous venez, 0870 42 48, Lady Gaga et Bradley Cooper. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself un peu de Lady Gaga avant de s'écharper, les phrases des femmes qui énervent les mecs. Tiens, Sarah, tu vas nous répondre. Tu ne trouves pas que j'ai un peu grossi? C'est la première, hein. Voilà, ça arrive. Ça, chaque fois, on est un petit peu déçu, Sylvain. Eh ben, elle nous donne de la choucoute tous les jours. Ah ouais. Ouais, forcément, à un moment donné, on grossit. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est les phrases des femmes. Il est con, celui-là. Ah oui. C'est les femmes qui disent ça. Ah d'accord. Et c'est ça qui est supposé t'énerver parce qu'on vous aime comme vous êtes, mesdames. Ouais. Mettez-vous ça en tête. Arrêtez, vous êtes hypocrite, vous ne me dites jamais la vérité. Vous dites, mais non, mais... ça va, tout va bien. Il y a aussi, je te laisse choisir ce que tu m'offriras pour mon anniversaire. Alors celle-là, ah oui, celle-là. Bah, vous nous connaissez par cœur, en fait. Ouais. Donc normalement, tu sais ce que j'ai envie pour mon anniversaire. Ouais, ouais. Non mais sérieusement. Je sais que ça va me coûter cher. Voilà, je suis au courant. Il y a aussi, tu sors encore ce soir? Ah oui, la sortie entre potes, on n'aime pas ça. Bah bien sûr, en fait, t'es en couple, donc tu restes avec ta nana ou tu sors un petit peu avec elle, non? Tu la laisses pas à la baraque? Oh là là. Non mais c'est la base. Non mais je sais pas, je comprends pas. Les gars, on est au coin. On est au coin. Il y a personne qui veut se parler. La quatrième, je peux prendre un petit petit bout dans ton assiette, la picorer oui, un petit bout. Oui, on est au régime pour vous plaire, donc forcément, on pique un petit peu, on a faim. Ah oui, vous êtes à la salade, et nous, quand on a les frites bien huileuses, on ne peut pas vous empêcher de mettre vos pinces de crabe pour venir piquer. C'est les premières à dire, ouais, je suis vegan. Ouais. Et je peux dire qu'elles sont au McDo le lendemain. Ah oui. En général. Ah ouais. Pas du tout. Je pense pas que les meufs qui soient avec toi soient vegan. Hein, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, c'est sûr. Ah oui, manger du porc tous les soirs. J'arrive dans 5 minutes, le temps de prendre une douche. Alors là. On la connaît, là, 5 minutes. Hein. Oh, les 5 minutes, elles finissent en 2 heures. Il y a de la buée, tu sais pas. Tu vois pas 1m50 là dans la salle de bain. Vous nous comprenez pas. Hein. C'est pour vous plaire qu'on fait ça. Ouais. On vous aime. C'est vrai. Mais oui. T'as décidément. C'est vraiment pas pour critiquer, mais. Oh là. Alors celle-là. J'aime pas ta coupe de cheveux. Ouais, tu sais, t'es en train de sortir. Toi, tu t'es préparé en 10 minutes. Tu l'as attendu 2 heures à salle de bain. T'as qu'une envie, c'est de partir et sur le palier, elle te dit on est sûr de la chemise. Celle-là, elle est très très dure à prendre dans les dents. Et puis, on a également tu devrais porter cette veste, ça t'irait super bien. Bah, c'est oui. Le conseil un peu. C'est-à-dire, vous voyez un mec dans les magazines qui est beau gosse, il a une veste jacquard un petit peu sympa. Oui. Et vous dites tiens, cette veste, elle t'irait bien. Moi, on n'est pas foutu pareil. L'autre, il est roux avec une barbe de 50 cm. Toi, t'arrives, tu sais, t'as 2-3 kilos sur les hanches, tu sais pas quoi en foutre. Elle veut que tu portes le même costume que lui, tu sais. On vous donne des cours de mode, il est où le problème? Tout ça, c'est des phrases en fait géniales. Ah c'est ouais génial qu'on vous pose ces questions, moi, c'est pour votre bien sûr. En fait. Ça, c'est à cause de Reine du Shopping là. Ah ouais. L'autre, là, Magnifique, là, je sais pas quoi là. Elle nous saoule, j'en peux plus. Il d'elle. Peut plus voir Christina Cordula. Ah ouais. Il était magnifique. Comment, on dirait qu'il insulte, tu sais. Il y a également, c'est quand que tu te remets au sport, chérie? Ah bah oui, bah forcément on veut pas vous vexer, hein, la petite bedaine, parce que nous on doit être au top, hein, à faire les abdos, etc. Mais la petite bedaine, les gars, faut y aller. Ah faut oui, aller vous aimez pas ce petit côté Ça dépend, il y en a qui aiment la brioche, il y en a non, mais si la phrase tu te remets quand au sport arrive, c'est que t'as grossi. Ouais, c'est que j'ai grossi, voilà. Sylvain. Ah, c'est les premières à dire que tu vas au sport. Ah non, encore, tu vas encore au sport ce soir. N'importe quoi, mais non, là, tu vas mater au sport. Ouais, tu vas mater. C'est moi, quand t'as cul plat. Oh non, mais pourquoi il est fou ce mec? Et puis également, ce serait cool qu'on aille au restaurant dans la semaine, chérie. Ça me ferait plaisir. Bah ouais, une fois par semaine. Et qui c'est qui paye? Bah c'est vous. Chacun son tour. Exactement. Moi je suis un chifoumi, moi. Un chifoumi. Souvent. Et puis quand il perd, c'est pas pour lui. Et puis la dernière, tu préfères que je mette cette jupe là ou celle-ci? C'est-à-dire quand vous êtes en plein débat devant votre miroir et qu'il faut qu'on vous aide alors que même nous on sait pas se saper. Bah soyez hypocrite. À qui on va demander sinon? Vous êtes les seuls en face de nous. Mais en fait j'ai l'impression qu'en fait c'est notre procès. Vous êtes hypocrite parce que ça, moi jamais mon mec m'a parlé de ça. Là vous le dites à l'antenne, etc. Elles sont où vos nanas? Vous le dites en face? Toi, vu comment t'es vénère, ça doit bien se passer à la maison. Ah non, mais c'est pas ça. Moi, il me sort une phrase tout le temps. Ça va, t'as l'air fatigué. Bon, en fait, la journée, je travaille. Le soir, je vais chercher le môme. Ensuite, je fais la popote. Et en plus, je dois faire le devoir conjugal. Bah ouais, en fait, je suis fatigué. Ça, les devoirs, t'as jamais aimé. Et c'est pas à nous qu'il faut le dire. C'est à lui. J'espère que Mehdi a écouté. 0870-42-48. Vous venez, vous intervenez. Les gars, on a parlé de ces phrases, justement. Les phrases des femmes qui énervent les mecs. J'ai l'impression que c'était finalement le procès des mecs. C'est-à-dire Sarah s'est faite l'avocate du diable. C'est ça. Très bien. Demain, on fera l'inverse. Les phrases des hommes qui énervent les femmes. Yes. Ok, les amis, on fera ça dès 20h. On va caster le Père Noël, là. Je vais appeler un Père Noël. Ça va être ouf. Toutes les news arrivent. Le Tinder de la peur. Sylvain accueille sa prétendante et vous allez voir que ça va déraper. C'est complètement ouf. Et Kenji arrive, les amis. Allez, une minute et on revient pour kiffer. Tiago, mon ami, mon ami, mon ami, Tiago. Énergie présente la Columbia Session de Jay à Paris. Salut, c'est Jane. Venez faire la fête avec moi. Jane a réservé un concert privé aux auditeurs d'énergie le 18 décembre sur la péniche Le Flow. NRJ, yes. Gagnez vos invitations maintenant sur energy.fr. La Columbia Session de Jane à Paris, un événement énergie. It's music only. Le monde a sombré dans le chaos. De gigantesques villes nomades arpentent la Terre en quête de proie. Cité prédatrice en approche! Peter Jackson présente Mortal Engines. Pour stopper cette mécanique mortelle, seule une jeune rebelle peut sauver le monde. Je savais que tu ne me lâcherais pas. Par les créateurs du Seigneur des Anneaux, Mortal Engines, actuellement au cinéma. Avec énergie. Haute à cause, quand la faim justifie les... Tenders, cordon bleu, nuggets, viande hachée, escalope de poulet, la sauce fromagère unique. Haute à cause, c'est le tacos original à la française. Viens vite le découvrir dans l'un de nos 200 restaurants. Il y en a forcément un près de chez toi. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Vous allez gagner 10 000 euros de cadeaux par jour sur énergie grâce à Cdiscount. C'est maintenant 6-9, soyez les bienvenus. On va bien démarrer la journée. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 sur énergie. Vous voulez des dizaines de cadeaux pour Noël? Manu et Cdiscount vous les offrent. Oh là là là là! 10 000 1000 euros de cadeaux par jour à gagner avec Manu et Cédric Scoons. Viva Technologies, le rendez-vous mondial des startups et de l'innovation est de retour. Cette année encore, plus de 100 000 visiteurs venus du monde entier sont attendus du 16 au 18 mai. Dernières innovations tech, expériences immersives et rencontres avec les meilleurs start-upers et leaders internationaux. Viva Technologies, du 16 au 18 mai 2019 à Paris. Réservez votre passe à tarif préférentiel sur vivatechnologies.com. Vivez le jeu avec PlayStation VR. Ressentez la vitesse dans Wipeout Omega Collection. Plongez au cœur de l'action dans Firewall Zero Hour. Redécouvrez le jeu de plateforme dans Astrobot. Immergez-vous dans plus de 200 jeux et expériences uniques. Le Starter Pack PlayStation VR plus le jeu Astrobot sont à 199,99€ au lieu de 339,99€ jusqu'au 23 décembre, soit 140€ d'économie. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. Exceptionnel ce soir jusqu'à 23h, Sarah Magouille, nouveau concept, le Tinder de la peur de Sylvain dans une demi-heure. Et il faut que je vous parle d'une étude un petit peu sexuelle, il faut qu'on en parle tous ensemble. Vous venez 0870 70 42 48, l'appel est gratuit. On se fait le canular du jour, ma Sarah. Yes, c'est parti et c'est le casting du Père Noël. En fait, papy Rico ce soir cherche un Père Noël à domicile. Ouais. Et il va tenter de le pousser à bout. J'ai cherché des annonces sur le bon coin, j'ai trouvé le Père Noël idéal. Je veux le meilleur Père Noël, j'ai 500 euros de budget, je veux un champion. Vous allez voir que le vieux il est un peu spécial et il est avec son petit-fils. Ouais. Allez, c'est parti, on appelle, on y va, c'est le canuour, canular du jour. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canuour, le canular du jour sur Énergie. Oui. Allô, bonjour, Papa Noël. Oui, bonjour. On est autour de 500 euros là. La prestation, donc on souhaite un Père Noël de qualité, hein, et je m'en occupe personnellement. D'accord. Bon, est-ce que vous pouvez me faire voir un petit peu les artifices, là, ce que vous avez dans le gosier? Oui. Oh. Ah, c'est pas mal, ça. Allez, on pousse un peu. Oh. Allez, chantez un petit coup, chante, là. Vas-y, chante. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mon petit soulier avec des jouets par milliers. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. C'est un peu à cause de moi. Ah, il y a des problèmes dans les paroles, là, dis-moi. Attends, tu vas me revirer. Tu vas réviser ça, vieux bouc. Hein, hein? Oui. Bon, je vais vous passer mon petit-fils, d'accord? Il va vous malmener un petit peu, c'est un petit bouffon. Oui. Noah! Il y a le Père Noël, Noah! Viens! Oui, papy! Oui, papy! Allô? Oui. Bonjour, Papa Noël. Oui, t'as été sage? J'ai fait qu'une bêtise, Papa Noël, cette année. Ah, et laquelle? J'ai pris la culotte de maman et je l'ai amenée dans la récréation. Oui. Tu m'en veux toujours, Papa Noël, pour la culotte de maman. C'est qu'une petite bêtise dans l'année. Oui, Papa Noël. Tu vas commander quoi à Noël? Comme maman. Ah. Maman, elle a un fouet pour jouer avec papa. Moi, je veux un fouet pour taper mes amis. Oui, c'est faisable. Et j'aimerais les mêmes menottes que maman, elle a, mais sans la fourrure. Il n'y a pas de problème, tu les auras. Papa, il dit toujours qu'avec Mère Noël qu'on entend derrière toi, tu utilises de la vaseline. Est-ce que toi aussi, ta femme, elle a de la barbe comme maman? Ah, c'est normal, c'est Maman Noël, je l'appelle le vieux bouc. Oh, d'accord. Oh, mais c'est fort, ça. Pourquoi tu rigoles, Papa Noël? Il y a Maman Noël qui te chatouille les guirlandes? D'accord. Bon, au revoir, Papa Noël. Au revoir. Joyeux Noël. Au revoir. Oh, tu fais peur. Il est tellement gentil, ce Père Noël. Oh, franchement, je suis sûr qu'il est hyper gentil avec les enfants. Quelle barre de rire, les amis. Je vais vous parler d'une étude un petit peu sexuelle, il faut qu'on en parle. Et puis des news autour d'un divorce complètement ouf. C'est action vérité, t'aimer ou te quitter. Et l'histoire est sans cesse répétée. Qui commettra la faute? Qui de nous deux claquera la porte? On dirait bien que l'enfer, c'est les autres. On se renvoie la balle et tout redevient normal jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a. Stupidity is incredible. Try lock you up for your rage is staple. Bull be a stun like them name cannibal. Do your bad things that I feed them ego. Turn around, send them on your real amigo. Bad problème, pas de problème, c'est pas ta faute. Ce n'est jamais de ta faute. Ce n'est jamais de ma faute. Remballe ton ego. C'est les news. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Eh oui, on est là jusqu'à 23h. Kenji arrive, le Tinder de la peur avec notre ami Sylvain aussi. Les news sont là et Océane a fait le 0800 70 42 48. Ça va Océane? Salut Rico, salut l'équipe. Salut Océane. Alors Océane de Nantes, il faut absolument qu'on parle. Il y a une étude qui est tombée et a priori, on surestimerait l'activité sexuelle de nos copains, de nos amis. L'herbe est toujours plus verte ailleurs et l'animation des plumards de nos voisins est toujours un peu plus active. En fait, on se fait des films sur la sexualité des autres. J'en veux pour preuve, en France, ces messieurs pensent qu'en moyenne, les hommes font l'amour 14 fois dans le mois, alors qu'en réalité, ils le font que 5 fois. Aux États-Unis, on a posé la question aux femmes et aux hommes. En moyenne, ils disent, voilà, le voisin fait l'amour 22 fois dans le mois. En réalité, c'est 4. Mais donc, non. On est toujours en train de penser que l'activité sexuelle est forte. Et moi, j'ai un ami qui s'appelle Sylvain Le Tombeur, qui a fait la couverture des lieux du stade et qui me dit que c'était monsieur 100%. Non. On a fait 3 délogues cette année, hein, JM. Et il a rien ramené. N'importe quoi. Bah si. Alors, il faut arrêter de surestimer, Sarah. Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Moi, vous sous-estimez, par contre, ah oui. La mienne. Je tenais juste à vous dire. Mais je te le dis, vous sous-estimez. Elle a placé. C'est vrai que vous faites les coqs. C'est vrai que vous avez parlé. Moi, j'ai eu une relation hier, cette nana, etc. On a fait l'amour ensemble, alors que c'est faux finalement. Ouais. Dans l'étude, il paraît qu'entre hommes, on fait beaucoup les coqs. Ouais. On a l'impression que ça y va à tour de bras, alors qu'en fait, on est des gros mythos et on en parle pour un petit peu faire les coqs. On est des gros mythos peut-être, mais on fait l'amour un peu plus de 4 fois par mois quand même. Non, les amis, sérieux. Ça dépend. Arrête, 4 fois par mois, ça fait une fois par semaine. Ça dépend. Le Marseillais parle. Ça y est, gonflé. Entre ce que tu me dis, toi et ta femme. J'ai l'occasion de la voir, ça colle pas. Océane, est-ce que t'as l'impression que chaque fois, toi aussi, de ton côté, dans ton entourage, t'as l'impression que les autres font plus l'amour que toi? Ben ouais, mais parce que ouais, comme vous dites, c'est qu'en fait, on a l'impression que tout le temps, ils sont toujours en train d'en parler, mais en c'est fait, vrai. Finalement, c'est qu'ils en parlent, mais qu'ils font pas, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Moi, je pense qu'on est en train de se faire des nœuds au cerveau, et après, ça complexe. Bah, on devrait se décomplexer, s'avouer la vérité, les gars. Et si on couchait tous ensemble? On se fait une petite collégiale et on se fait tout ça ensemble. Est-ce que ça vous dirait pas, les amis? On se ferait pas ça. Je on sais pas ce kiff. Oh non, merci. Allez, les amis, autre news du jour, on en parle, c'est le divorce. Alors, au début d'émission, vous étiez là à 20h. C'est vrai que les hommes, on en a pris plein la gueule par ça. Ouais. C'est vrai, elle était là, girl power. Océane, t'as dû entendre, elle nous a envoyé, mais du lourd. Hein. Grave, franchement. On a pris plein la gueule. Mais elle a raison, girl power. Ah, merci, Océane. C'est pas girl crasher. C'est Sarah Power, là. Ah, ouais, non, là, c'est Sarah Destructor. Eh bien, les amis, il y a une femme qui a divorcé. Voilà, alors si je vous en parle, c'est parce qu'elle a divorcé d'un fantôme. Alors, même quand il y a une entité qu'on ne voit pas, qui n'existe pas, vous arrivez à vous embrouiller. C'est complètement ouf, c'est pas une vanne. Une Irlandaise de 35 ans a épousé Jack, un pirate décédé il y a plus de 300 ans, et la jeune femme avait fait venir un médium pour pouvoir rentrer en communication avec lui, il était là, et puis depuis il vivait dans sa baraque. Ouais. Et en fait, elle a dit, écoute, Jack m'a saoulé, je divorce. Elle avait réussi à se marier. Raison. Mais le plus choquant, c'est pas qu'elle ait divorcé. C'est qu'elle s'est mariée. À quel moment tu te maries avec un fantôme? Oui, bon, après, elle peut être dans son délire, mais quand c'est un fantôme, il doit pas moufter beaucoup. Bah ouais, en plus. Comment t'arrives à te séparer du gars? Mais ça prouve que même en fantôme, les gars, vous êtes relou. Oh, mais je te le dis, mais vraiment, vous êtes relou sous toutes les formes. Elle partage des biens après, c'est comment? Ah, c'est fantôme ou pas? Bah c'est bien, c'est ça qui est bien avec le fantôme, c'est que tu gardes tout pour toi. D'ailleurs, tu devrais faire ça, ça ferait du monde, du bien à l'humanité entière. On serait peinards. Allez, Drake, les amis, je vais vous parler du mariage du jour. Et Océane, tu vas voir, on va parler fantôme tous les deux. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. lo mío está mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adelal. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo de ahí. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. C'est les news de Rico sur Énergie. Et oui, on est là jusqu'à 23h. Kenji arrive, on aura le Tinder de la peur aussi. Mais on est dans les news avec Océane de Nantes. C'est vrai qu'on se marre les amis. Vous pouvez intervenir comme elle, hein, 0870 42 48. Et je veux vous parler de cette news là. En fait c'est un gars qui était furieux contre les élus de sa ville. C'est un américain. Et il a fait installer une statue représentant un doigt d'honneur. Voilà. Un truc en 5 mètres par 2. Pour leur dire voilà, j'en peux plus, stop. Alors quels sont vos signes de protestation que vous avez fait? Océane, t'as déjà eu de la protestation toi comme ça un petit peu, t'as déjà protesté? Ouais, nous à Nantes, tu vois, il y a quelques temps, ouais. L'hypercentre, ils l'ont rendu piétonne. Et là, franchement, c'est pas possible. On peut plus circuler, c'est insupportable. C'est vrai, du coup, ils ont buté des canaris. Puisqu'à Nantes, c'est les canaris. Moi, quand j'étais ado, mon père, il voulait trop que je sois une fille modèle, etc. Je m'étais fait 2 piercings à l'arcade. Oh là là. En mode loubarde et tout, ouais. Je te jure. C'est vrai. C'était mon signe de protestation. Mais au courant, t'étais caviste. Caviste. Oui, t'adorais les caves à 20. Oh, à 20, je sais que t'as toujours été dans le pinard, ça. Oui, connais pas ton passé, ta jeunesse. Enfin mince alors, Sylvain, la protestation. Ah ouais, moi je m'étais rasé les cheveux. C'est pas vrai? Ouais, parce que ma mère elle voulait que j'ai les cheveux longs. Ouais. Et moi j'en avais marre, je prenais que des poux. C'est pas vrai? J'avais que des poux avec mes cheveux. Oh là là, alors qu'elle te payait même pas le shampoing. Ouais, je te jure. Et donc un jour j'ai pris une tondeuse, je me suis rasé les cheveux. C'est pas vrai? Ah ouais, je te et jure. Et là t'as protesté? Ouais, j'ai protesté de ouf. Eh ben c'est bien. J'ai pris deux tartines dans la gueule par contre. Hein. T'as vraiment une tête de nœud. Et c'est comme ça que t'es le plus beau, bien rasé. C'est comme ça qu'on te préfère. Le nœud rasé. J'aime. Moi à une époque, j'étais en BTS, il y avait plein de gens qui voulaient faire des manifs, ouais. Et tout. Et nous, on rigolait tellement pendant les cours, en fait, on cassait les manifs et on allait en cours. Il y avait c'est personne qui faisait les cours. Oh, les oh, je te jure, il y avait une classe, on le était 30 et on était tout le temps là. C'est vrai, Océane, elle a raison, le faillot. Quoi. Faillot, je dis pas que moi, toute ma classe, parce qu'on faisait bordel et on rigolait, on s'amusait. Ouais, écoute, c'est ça. On buvait l'apéro en cours, qu'est-ce que tu veux? C'est le seul gars quand même qui est passé avec 3 de moyenne en 3ème. Non, j'ai illustré les pompes des profs. Monsieur Nichagnon, il est vraiment super. Il a cassé le blocus. Ouais. Il a dit tout le monde bosse. C'est un bon élément. Non, mais on n'y allait pas pour bosser, on y allait pour s'amuser. Faillot de génération en génération. Eh ben, on assume avec plaisir. C'est C'est la Nichagnan Fayot Institute. Exactement. Et je peux dire que ça pue, hein, vu les Fayots qui bouffent. Ah ouais, d'accord, merci. Oh là, super. Oh là, merci, merci d'être là. Bravo, bravo Sylvain. On va lui mettre une petite timbale, tu sais, comme au cirque. Bram. Oh là là, la coupure. Océan, je suis désolé de t'infliger ça, vraiment. Hein. Tiens, pour te consoler, je vais te dire, il y a un dos qui est arrivé, les amis, c'est la news suivante. On a une tonne de chocolat qui a débordé d'une usine et fini sur la route en Allemagne. C'est pas une connerie. Il y avait plus de 10 mètres carrés comme ça de chocolat. 2 tonnes de chocolat sur la route. Franchement, Sylvain voulait partir en Allemagne, je sais pourquoi. Il voulait y aller avec son seau pour récupérer. Ah ouais, non, mais le gâchis, franchement. Attends, mais le conducteur s'appelait Charlie ou quoi? Non, bah écoute, il y a eu un petit incident avec la cuve Charlie Chocolat. Charlie la chocolaterie. Oh là, bravo, bravo, merde. C'est là, on a connu sur ça. C'est une femme, ça passe mieux. Non, mais heureusement que c'était pas un camion de Viagra. Ah ouais. Sinon, il y aurait eu la queue. Il y aurait eu toutes les maisons de retraite. Il se serait roulé par terre. Ah oui, puis ça aurait queené dans la ville derrière. Oh putain, je vais vous dire que là, c'est vengeance, les amis. Allez, Imagine Dragons, 4G arrive, les amis. On est vraiment bien tous ensemble. Bienvenue sur NRJ, quel kiff. 0870 70 42 48 pour venir s'amuser. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth. The truth. I'm fading black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna. Allez, on est là jusqu'à 23h, Kenji arrive. On va kiffer avec lui le Tinder de la peur. Sylvain, tu pars dans 2 minutes accueillir ta prétendante chez toi. Et je sais que ce soir, la révélation de la supercherie, hein, puisque tout le monde l'entendra en direct à la radio, se fera d'une manière particulière. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de monde. On va en parler, hein. On va en parler. Est-ce que t'es chaud puisque t'es pompier? Ah bah je vais sortir la grande échelle hein, Bah, écoute, merci. C'est pas la grande lance qu'on dit? Non, c'est la grande échelle. Ah ouais, je sais pas, je suis pas pompier. Les 2 billets de barre, j'en peux plus. N'hésitez pas à faire une pétition si vous en avez marre. 0800 70 42 48. Faudrait qu'on se mette à l'eau, s'il vous plaît. Ah ouais, les gars, avec modération là, je sais pas ce qu'il y a là. Le trouble à toi, ton eau. Ah ouais, ouais. Non, mais les gars, se donnent à boire mutuellement. Évidemment, c'est pas vrai, je vous le dis, mais les gars, sont fous. Les gars sont fous. Tiens, on va parler du canard du jour. Océane, t'aimes bien les canards ou pas? Bah oui, non, mais c'est vrai, est-ce que t'aimes bien les canards? Un homme canard, est-ce que ça te plaît? Un homme canard, bah un petit peu, à 50%, bien sûr. Bien sûr, toi, Océane, aussi, t'es un canard, c'est important? Bah, 50% comme dit Sarah, c'est 50% macho, 50% canard. 50 canards, 50 connards. Oh non, excusez-moi, j'ai Claude parti. Excusez-moi, j'en ai une des deux, mais j'ai pas la totalité. Là, on a une histoire complètement ouf. On a l'ami Jack, là, qui a fait un kiff. En fait, il a pris soin de remplacer les cases habituelles du Monopoly par des lieux qui ont marqué l'histoire de sa vie avec sa meuf. Okay. Vous savez, vous avez Avenue de la Paix, rue de je sais pas quoi. Et lui, il a mis, voilà, rue César, on s'est rencontrés, le rue de leur premier restaurant, etc. Et il a tout remplacé, il a fait imprimer, il a fait ça sur le Monopoly. Ça vous plaît, mesdames? Mais c'est magnifique, mais inspirez-vous de cette personne, mais les gars. Mais c'est plus un canard, lui, c'est quoi, mais c'est ça rien qu'il s'en souvient, en fait. Ah oui. La plupart des mecs s'en souviennent même pas, ils s'en est souvenus. C'est vrai, tu sais pourquoi il s'en souvient? C'est parce que c'est sa meuf qui a payé. Et parmi les cartes chance, également prévues pour l'occasion, il y avait une, évidemment, où il y avait écrit « Veux-tu m'épouser ?» Oh là La jeune femme a tiré cette carte, et là, elle lui a dit oui devant un Monopoly. Ah, oh, c'est énorme. Ça, c'est retour, c'est la case prison, ça. Ça, c'est la case prison, ça. Il est con. Ça me passait par la case départ. Hein. Et tu peux plus sortir. Ah ouais, ah ouais, non, c'est fou. Hein. Canard, bah. Sylvain, il aurait fait un Monopoly, il n'y aurait eu que des hôtels. Elle fait Ibis. Ah ouais. Que du Grand Hôtel classe. Formula. J'ai dit FN. Il est con. Attention, t'as dit FN, faut respecter les anciennes. Ouais. Pardon, excusez-moi. Putain, ils sont cons ceux-là, je te jure. Mais c'est vrai qu'on sait jamais où se placer. Bon, allez, c'était la nouvelle du jour, vraisemblablement. Hein. T'as vu, Océane, ils sont pas prêts, JM et Sylvain. Non, a priori, ils sont pas assez. Ils ont pas les 50%. Non. Ah ouais, si, eux, la seule chose qu'ils vont modifier, c'est le millboard. Pourquoi on se casse, pourquoi on se barre? Ah oui, je vais te dire qu'ils auront des bornes au compteur. On aura du kilomètre de saucisse là. Ah, ils sont pas possibles, sérieux. J'en peux plus, J'en peux plus. Vraiment, cette émission est folle. Non, Sylvain, ce serait sur un morpion, tu sais, qui demandera sa femme en mariage. Ah ouais, bravo. Mais, bien la courageuse qui va le gratter. T'inquiète pas pour eux. Je peux te dire, moi je fais nul si découvert. Si je ne mets pas le doigt là-dedans, c'est mort. Allez, Océane, je te fais plein de bisous, on va te faire un cadeau. Merci d'être venu t'amuser avec nous. Bisous l'équipe, à bientôt. Bisous, bisous. Salut ma poulette, on s'est régalé avec toi. Prends ton petit cadeau avant de partir. Dire que cet homme là, ce grossier personnage, accueille une nana là, tout de suite chez lui. Ah, ouais. Est-ce que c'est rangé chez toi la maison? Oh, c'est le bordel. Là, on peut plus, moi. Il va l'accueillir et je vous annonce vraiment une révélation de supercherie dingue. Wow. Dingue. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura du nombre. Voilà, ouais. C'est une petite indication, puisqu'il va faire son date, il va rencontrer sa prétendante, ils vont discuter, il va la draguer, il va la chauffer. Je sais que tout le week-end, vous avez discuté ensemble sur Tinder. Hein. Ah oui, oui, on s'est parlé et tout, comme d'habitude. Et, ouais. Et aujourd'hui, bah, je suis pompelard. Hein. Pour qu'il est pompier, je peux vous dire, ça va. Il est très volontaire. Ah oui, ça va être énorme, les amis. Et évidemment, il y a une révélation de supercherie, parce qu'au bout d'un quart d'heure, 10 minutes, même pas, on lui dit, voilà, c'est une connerie, t'es en direct à la radio. Et il y a du très beau monde. Kenji arrive aussi, les amis, on va se faire un kiff avec lui. Oh là là, on va rigoler. Allez Sylvain, c'est parti. Ouais. On t'attend, tu files. Ah, le temps que tu rejoignes ton appart, dans une minute, on te retrouve. Passez votre samedi soir avec Big Flo et Oli. Sur Énergie. Salut tout le monde, on aura notre propre émission. C'est la nuit de rêve sur Énergie. Voilà, on va vous brancher les gars. Ça sera quelques heures avec nous, rien que nous. Hein. On va inviter des potes, on va appeler des gens, on va préparer une vraie émission. On n'est pas encore prêt, mais on sera prêt pour le 15 décembre. Donc tout le monde, branchez-vous sur Énergie. La nuit de rêve sur Énergie. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. L'émission spéciale de Big Flo et Oli. Samedi, 21h minuit, sur Énergie. Le monde a sombré dans le chaos. De gigantesques villes nomades arpentent la Terre en quête de proie. Cité prédatrice en approche! Peter Jackson présente Mortal Engines. Pour stopper cette mécanique mortelle, seule une jeune rebelle peut sauver le monde. Je savais que tu me lâcherais pas. Par les créateurs du Seigneur des Anneaux, Mortal Engines, actuellement au cinéma, avec Énergie. Chez King Jouet ce week-end, vous trouverez encore les jouets préférés de vos enfants. Ouais, c'est ça. Comme si le Père Noël, il avait pas déjà tout dévalisé. Justement, non. Chez King Jouet, il y a encore des licornes Poupsy, des toupies Beyblade, des boules LOL. C'est vrai? Oui, et on peut réserver sur king-jouet.com et retirer en magasin dans les 4 jours qui suivent. King Jouet.

derrière, Kenji sera là. Sylvain est déjà avec son date, hein, tranquillement installé dans son salon. Ils discutent. Ils ont matché tous les deux ce week-end. Ouais. Et là, ils se parlent. C'est leur entrevue. On se connecte et on écoute. Ça discute fort et lui est pompier. Hein, voilà. Et je vous annonce que lorsqu'on révélera la supercherie, c'est énorme. Mieux que la bande-annonce habituelle. Ah oui, ouais. D'habitude, il y a la télé, etc. On annonce qu'il est recherché. Mais là, avec les événements, oblige, on va pas se faire ça. Hein. Ouais. Le gars, non, on l'a toujours pas trouvé à Strasbourg. Hein. C'est vrai. Donc, les amis, on va faire que de la vanne. On se connecte. C'est parti. Physique comme métier. Oh là là, je te dis. Oh, le pompier. Ah ouais, je peux dire que c'est une galère. Ah oh, ouais, c'est une galère de ouf. Ah, c'est une galère, franchement. Mais là, il va falloir se reposer un petit peu. Ah ouais, non, mais là, on peut pas, là. On n'arrête pas, là, avec les manifs, là, les gilets jaunes et tout, là. Oh, là, non. On a des rôles du tuyau. Oh là là, je peux pas passer de mon caleçon, hein, je peux te dire. Mais bon. Il n'y a pas autre chose que tu déroules des fois. Si, je le déroule, mais bon, c'est pas en mètre, à nous, à 100 cm hein, dans le caleçon. Enfin, oh non, c'est non. Direct. Mais bon, voilà, non, mais là, on n'arrête pas, là. Je peux te dire que... Eh, hey, on arrose partout, quoi. Ah ouais, enfin, moi, je peux dire, ça arrose dans tous les sens. Hein. Ah, je peux dire que la chaîne, là, elle a baissé de 2 cm. Hein. Attention, on l'entend pas trop, sinon. Ah ouais. Mais ouais. Tu t'as souvent des rendez-vous Tinder ou pas? Bah écoute, quand j'ai le temps, quoi. Les rendez-vous Tinder, c'est pas tout le temps. Hein, j'enchaîne. Bon, c'est compliqué, quoi. ouais, toi, t'es la privilégiée, hein, franchement. Oh là là. Ah ouais, t'es. Franchement, genre. Avec tes petits tatouages et tout. Oh là là là là. Ah ouais. Bah, t'aimes bien les pompiers ou pas? J'adore les pompiers. Ah ouais? Bah ouais, en même temps, c'est un petit peu pour ça que je suis là, quoi. Ah mais faut que tu viennes au 14 juillet. Bah, j'y vais tout le temps, chaque année j'y vais. Ah bah là-bas, oh là c'est... là, elle a dû, ah ouais, d'accord. Elle a dû se faire éteindre le feu une paire de fois. C'est dans 6 mois. Je suis du côté de Champéret là, et je peux dire que c'est fait d'artifice. Hein, oh non! C'est les 14 juillet, hein, on s'excuse auprès des vrais pompiers. Avec toi. Ah bah avec grand plaisir. Et je peux te dire que là, les mecs de la caserne, là, ils vont kiffer de ouf. Hein. Oh là. T'es malade. Ah ouais. J'y vais pour toi, moi, j'y vais pas pour la caserne. Ouais. Hein. Non, mais alors, quand je dis mais ça... On a bien regardé, hein, mais bon, quand même. Ah, il est partageur. Eh ben, c'est quoi, ça tombe bien. C'est pourquoi tu me dis ça? Parce que là, je suis sur la couverture des calendriers des pompiers, là, 2018, là. Oh, oh non. Ouais. Oh, j'adore. Ah là, je suis en pleine sèche, là. T'as, il va pas lui vendre un calendrier. Non, il est capable. Ah ouais, c'est dur. Ah ouais, touche. Ah ouais, je peux les abdos, dire, hein. Tu fais beaucoup de sport, alors. Ah, mais j'ai pas le sport, ouais. Ouais, c'est la salle la journée. Et le soir, c'est le sport en chambre. Et bouquin. Ah, c'est pas un restaurant, j'en dis tout la gueule. Oh, pas tous les soirs, mais quand je peux, sport en chambre, dès que je peux. Ouais. Alors, en plus, j'ai un mémoire de forme, là, au niveau du plumard. Je veux dire, c'est très simple. Non, mémoire de forme. Ah ouais, je veux dire, ça épouse. Tu sais, ça épouse bien la forme. Ouais. Hein. Et toi, t'as des jolies formes, hein, je veux dire. Oh non. Il est très bien parti, ce deck. Je sens bien, les amis, on se met promis et on accélère le date avant d'avoir Kenji. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Yeah. lion's head, so don't get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. C'est la fin du Tinder de la peur. C'est le grand moment. C'est le Tinder de la peur. Eh oui, Sylvain a fait connaissance avec une jolie jeune femme. Ça discute. Lui, il est pompier et ça parle autour de son métier. Soi-disant. Hein. Évidemment, je rassure tous mes copains pompiers là que j'aime très fort. Merci les gars d'être là. D'ailleurs, vous faites un boulot de dingue. C'est l'occasion de vous faire un gros bisou. Kenji arrive dans la foulée, les amis. Évidemment, on va révéler cette supercherie. On va dire quand même à la nana qu'elle est sur énergie. Oui. Mais pour ça, on a prévu une petite surprise. Franchement, bougez pas, c'est énorme. Allez, c'est parti. On se connecte. Et puis derrière Kenji, évidemment, on se connecte dans la part de Sylvain avec sa prétendante. T'as vu le mois de septembre ? Regarde le mois de septembre. Regarde son calendrier. T'aimes pas ? T'aimes pas le mois de septembre ? Ils vont le calendrier des pompiers. T'aimes pas ? Ça va dégoler quoi. Hein ? Ah c'est dégoulé. Regarde, octobre, novembre. Oh là là. Ah bah je suis partout moi. Ouais ouais, je suis partout. Hein. Avril ne te découvre pas de fil. Il y en a pas une toute en string. Ah non non, j'aime pas moi le tissu, ça fait mal. Hein. J'aime pas, non. Ah voilà. Il monte du stade en remixé. Par contre, tu vois, il y a un petit prix là. Ah oui, faut que je le paye en plus quoi. Non, mais sur bon vouloir de la mégère, enfin de la ménagère. Oh ah, c'est vraiment grave. Hein, non, ça te dit pas. Regarde. Tu veux, je te donne un billet, ça peut te faire plaisir. Oh, je prends même la carte bleue si tu veux. Oh non, il y a déjà la fin de tête. Bah, c'est vrai, quand les pompiers arrivent, ils toquent. Et... Voilà. Ah, regarde, tu files ta pièce. Obligé. Chez toi. Même si t'es sur la paille. Ah ouais, canon. Sarah me dit non. Franchement, canon. Ouais, si. Bah, bon, franchement, ouais, je peux pas te le donner parce que voilà, c'est pour une association caritative. Un mytho. Hein, pour toi, je veux bien faire un jeu. Voilà, c'est pour les. Enfin, je t'expliquerai quoi. Il est relou avec son calendrier là. Bon. Ah bref, voilà. Donc voilà. Mais bon. Oui, si tu me montrais quelques petites techniques là, de premier secours, ça m'intéresse. Oh, coquinette. Ah, oui, parce que j'ai écouté pendant le titre, il lui parlait, il dit ouais, je peux te former. Écoute, elle est comme un dingue dessus. Un PLS, tout ça. Moi, ouais. Elle est comme un dingue dessus. Là, tu tombes sur un shampoing. Hein. Je suis habilité à mort. Hein. Bon, bah ça tombe bien. Ah, moi, les premiers secours, t'inquiète pas. Donc, tu veux ton diplôme ? Bah ouais. Allez, on commence. Attends, je vais pas te mettre par terre parce que non, c'est un peu crade. On va aller dans le plus marre, ça va être plus. Oh non, c'était plus crade que le sol. Attends, viens avec moi. Je préfère bouffer par terre que dans son plus marre. C'est toi là, voilà, c'est bien. Alors, première position. Putain, on s'enfonce dans ton lit, bordel. Ah, mais ça fait mort de forme, je te dis. Ah ouais. Ah ouais, ça prend rien, ça épouse bien tes formes là, tu vois. Ah, je peux te dire, il est bien moulé. Enfin, ouais. Du coup, alors, PLS. Ouais. Position latérale de sécurité. Oh là là. Voilà, dans le Kamasutra, c'est la petite cuillère. Oh non, non, il est gros. Donc voilà, bouge pas. Ah ouais, voilà, c'est au cas où tu vomis. Tu vois, si tu vomis, voilà, pour pas t'étrangler, voilà, tout de suite, sur le côté. Allez, on passe. Fais gaffe, j'ai craché dans ton lit, là. Non. Quelle horreur. Deuxième position, par exemple, moi, je marche dans la rue, et tu me vois. Boum, coup de foudre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, arrêt cardiaque. Oh non. Ok,

en réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant. Eh oui les amis, c'est le bouquet final. On a bien rigolé avec Sylvain Pompier. Il a même appris les gestes de premier secours à cette dame. Kenji est là dans la foulée. On se fera une émission de dingue. On descendra dans le studio en bas, on sera en public. Et ça va être énorme, ouais. Mais là les amis, c'est la toute fin. Et la reveal, la révélation, ouais. De ce Tinder. Et il y a du monde dans la salle de bain accroupi. C'est les pompiers soi-disant de la caserne. Des amis de Sylvain qui vont être là pour prêter main forte au séducteur. Comment va réagir cette dame? C'est ce qu'on va voir. Et évidemment tout de suite, on dit que c'est une blague. Ils sont torse nu avec écrit énergie derrière. Voilà, c'est énorme. C'est parti, on se connecte. Sylvain lui en profite, hein. Je crois qu'il est toujours sur les gestes de premier secours. Mais on y va tout de suite puisque Kenji est déjà là. Allez, on se connecte. 1, 2, 3, respire. Oh non, là, là, 1, 2, 3, respire. C'est une blague. C'est vrai que c'est important. Normalement, hein, c'est pas tout nu. Hein. Bah, ouais. tu préfères le contact de la peau comme ça? Ouais, bah. Oh non, Rabi, là, il y a les types dans la salle de bain. Sérieux. Tu montres correctement ce qu'il faut, faut faire. Bah, attends, après, il y a le petit bisou, là, voilà, comme ça, voilà. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, par contre, là, je peux dire, attends, là, faut que je me calme. Non, mais retire ta chemise. Non. Ouais, bah, oui, attends, là, j'ai le tuyau, là, il est trop rempli, là. Oh non. Non, non, mais il est rempli d'eau, faut que j'attrape. Mais maintenant, on commence à s'amuser. Non, mais attends, faut que j'aille faire pipi. Attends, j'arrive. Ok. Bah non, mais reste là, attends, je te mets la couverture de survie. Bouge pas, voilà. Voilà, c'est bon. Bouge pas, j'arrive. Ouais. Eh, dis-lui de se rhabiller. Putain, mais il est fou. C'est va. T'as pas froid, hein? T'inquiète pas, j'ai pas payé l'électricité, mais c'est bon, il fait pas trop froid ici. Mais c'est quoi cette phrase? C'est un malade. Il est fou. J'en veux plus. Ouais, c'est mais dis-lui de se rhabiller. Dis-lui de se rhabiller. Dis-lui. Bah non, attends. Dis-lui de te rhabiller parce que t'en as pas un peu de temps. Okay, ouais, dis-lui. Ouais, j'avoue. Ouais. Il est fou. Non, mais rhabille-toi, attends, rhabille-toi parce que moi, quand je fais pipi. Non, mais tu vas chier, quoi. Non, non, c'est énorme. C'est énorme, le sonar. Il est énorme. Non, je vais pas faire. Non, j'arrive, attends, mais rhabille-toi un peu. Wow. Non, j'arrive. Sylvain, ouais, t'as tes amis pour plaire dans la salle de bain. Grave. Et Victor, le stagiaire, ouais, et du beau monde. C'est vrai, ils sont là. Ils étaient avec eux là. Je suis avec toute l'équipe là. Je suis avec toute l'équipe. Attends, je vais écouter. Victor, t'es là. Ouais, je suis là, je suis avec Sylvain. les gars, au feu les pompiers, les gars, les pompiers, et toi Sylvain, je suis venu avec Durab, on va bien s'occuper de toi. Ils ont surtout pas le physique des pompiers. Hein. Ils sont torse nus, les cochons, mais toi torse nu Sylvain, tout le monde torse nu. Regarde, t'entends les gars. Oh, la vision d'horreur. Ah, c'est, il a bien bouffé lui, hein. Vas-y. La dalle, elle est bien fourrée, hein. Mais elle est juste à côté, mais il est con celui-là. Vas-y, il est con. Ouais. Elle doit être inquiète si elle est pas déjà barrée. Allez-y. On peut les compter. Mais quoi? Mais qui, en fait? Ah bah regarde. Oh là là, mais c'est une blague. R J. Vas-y, venez au parleur. C'est possible. Oh là là. Vous êtes en direct sur Énergie. On vous a piégé avec Sylvain. C'est une vanne. Il est pas pompier. Non. Par contre, il est très chaud sur vous. Ça va, madame? Bah, un peu la honte là, mais sinon. Non, tout se passe bien, on va vous offrir une TV LED. C'était une blague, c'était un date foireux pour rigoler. Et vous avez échappé à la bande-annonce qui annonce Sylvain recherché. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, c'est que du bonheur. En tout cas, il vous plaît vraiment, Sylvain, c'est vrai, c'est pas une vanne? Bah, sinon je serais pas là quand même. Ah, ah. Bon, là j'ai besoin de lui puisque les amis, Kenji arrive, on fait plein de bisous, on va vous offrir un cadeau. Kenji est là, les amis, on va kiffer avec lui. Des cadeaux, des kiffs, 45 minutes avec lui, si c'est pas une heure, on va kiffer, on va se régaler les amis. On est là jusqu'à 23h, derrière il y aura Sarah Magouille, concept exceptionnel aussi les amis. On se met, Avamax. Et puis derrière les amis, on aura Kenji, c'est ouf là. Allez c'est ouf les amis, une minute les amis. Et on revient sur une toute petite pub. Et on revient, allez hop. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Un adulte sur deux dans sa chambre a une veilleuse.

ce soir. Rico Show exceptionnel. Aymeric Ponnery et son équipe reçoivent Kenji. Sur Énergie. Yes, les amis! Kenji, Kenji, Kenji, qu'est-ce qu'on l'aime. Il est là avec nous, c'est le Rico Show du lundi au vendredi, 20h-23h. Et Kenji, c'est vrai qu'on le kiffe. Il a été le grand gagnant de la saison 3 de The Voice. C'est déjà loin, ça, c'était en 2014. Il est encore tout jeune, notre Kenji. Il cartonne. Son premier album, Kenji, est certifié double disque de diamant avec plus d'1,3 million de ventes. Oh là là, ça arrête pas. Son deuxième album, Ensemble, il a cartonné aussi du diamant de partout. Diamant, diamant, diamant, diamant, ça tombe. Et puis on l'adore, là, le nouvel album aussi. Et là, Amigo, on kiffe tous ses titres, Kenji, on adore. Mais si on l'accueille avant de s'écouter, tous ses titres, les amis. Ah il est là, il est bon et frais. Kenji Girac. Oh là là, on a beaucoup de chance. Ça check, il est là. C'est petit cousin Kenji, c'est cousin. C'est cousin, il est là. Ça va mon cousin? Salut les gars, ça va? C'est vrai, il est... ça va Kenji. Kenji, c'est la famille. On le kiffe, on l'adore. Comment il va mon Kenji? Ça va bien, merci beaucoup. Oh là là, je suis content de te recevoir, c'est vrai. Tant que t'es là, on sera à la mode, les brins avec une barbe. C'est vrai. Le jour où tu seras plus là, voilà, reste comme ça Kenji. Le jour où on sera plus là, Kenji, tu rases pas. Reste comme t'es, non, c'est vrai. Mais même moi, à vie, je reste comme ça. Jamais de ma vie. C'est vrai, la barbe, c'est bien parce que ça peut masquer des trucs. Kenji est très beau, lui il en a pas besoin. Mais c'est vrai que par exemple toi Sylvain, ça couvre la moitié du visage. Ah ben j'ai des stars pour tout. Ah ouais d'accord. Mais ça va pas à tout le monde hein. Ah ça va Rico, pas tout tu devrais te raser. D'accord, c'est vrai. Je te le dis. Arrête, tout le monde ça y va bien, ça y va bien. Attends, ça, Kenji, tout le monde me dit que je te ressemble. Moi si je me rase, tu me reconnais plus. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, on dirait j'ai 12 ans. 12 ans et demi. Tu t'es venu me chercher à l'école là tout à l'heure, là je te promets. C'est pas vrai. Non ouais, c'est. Ah ouais. Alors, non, mais c'est vrai. Un jour j'ai essayé de me raser il y a pas longtemps, il y a deux ans et demi, j'ai essayé comme ça. Je sais pas, j'avais 10 jours de vacances, genre je voulais que personne me reconnaisse. Je me suis rasé, même moi je me suis pas reconnu. C'est vrai, tu perds en plus en assurance. Non, t'as pas l'impression qu'on t'enlève toute ton assurance tout... Ah ouais, frérot, j'avais plus l'habitude. J'ai resté 4 ans, je me suis vu, tu vois, à l'âge de 14, 15 ans, j'ai commencé à avoir la barbe et je l'ai gardé tout le temps. Là, même moi, je me suis dit, mais c'est pas moi. C'est pas Kenji, ça va plus. Et en plus, ça met du temps à repousser derrière JM. C'est un jeu qu'on voulait faire ce soir, c'est con ça. Ah ouais, la tournée, c'est là, qu'on rase Kenji. Non, Kenji veut lui tuer. Et puis il y a le chauffeur de salle, il voulait applaudir. Ah ouais. Et lui, il voulait engrainer qu'on rase Kenji. Alors. Il y a que les mecs qui ont applaudi, les meufs, c'était dégoûté. C'était dégoûté. Évidemment, Kenji, on adore ton tube là, Thiago. Oh là, ça tourne partout ça. On kiffe. Et puis on aime aussi pour oublier. Ah, oh, j'adore. On se fait la revue de Kenji, les amis. Ah ouais. Allez, les yeux de la maman. J'adore. C'est beau. Il y a ça aussi, Andalouse. Oh là, j'adore. Ah ouais, la base. Ah mais ouais. Kemo. Oh. Ah ça. Oh là. En plus avec ce froid, ça réchauffe direct. Ah ouais. Kenji, plus, c'est le ça mec. Ça veut dire ça en plus la chanson. Ah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et ça veut dire tu vois, chauffe, mets le feu. Ah mais j'ai fait espagnol première langue. Voilà. Ouais, il avait une bonne prof, je t'expliquais Kenji. Kenji, on va faire le JT de Kenji. Il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas sur Kenji et sur ouais, on est passé à côté. Même toi Sarah, sa plus grande fan. J'ai hâte d'en apprendre. Ah, mais vraiment, je te jure, ça m'intrigue. Et chaque fois qu'on lui dit quel est son ciel, elle me dit Kenji. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais c'est quelqu'un si j'étais pas mariée etc, que c'est mon style. Calme-toi. Kenji même célibataire et toi célibataire. Ah, franchement Sarah, t'es mariée ou pas, t'as oui, oui oui oui, mais... tout à fait. Kenji en politesse, il dit non franchement. J'ai dit mince, j'ai pas dit. Ouais. Oh, elle est prête à tout pour gratter une fille, toi. Oh là, ouais. Quitte à se marier, à se donner. N'importe quoi. Les gars, on passe pas à côté de, je sais pas, d'une bonne occasion. J'ai essayé en tout cas. Ah ouais, voilà, au moins. Celle-là, en plus, elle a fait des bornes. Il est malade ou quoi? C'est pas une première mec. Pas du tout, pas du tout. Je suis pure de corps et d'esprit. Oui. Kenji, elle a été vidangée la semaine dernière. Ils sont malades, ces mecs. Je n'en peux plus de vous. On t'aime, Sarah, tu sais qu'on t'aime. Ouais, Kenji nous fera un live, les amis. Il y a plein d'infos sur lui. Vous bougez pas, Avamax sur Énergie. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. Can't help it, no, no. You'll play along. had you on, you'd be saying no, no, then saying yes, yes, yes, 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Grab a cop gun, kinda crazy, she's poison but tasty. Someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, no, no, no. Then saying yes, yes, yes, 'cause you're messing with. Ce soir, émission exceptionnelle avec la superstar Kenji Girac sur Énergie. Ouais les amis, il est là, on l'adore, Kenji. Il est simple, il est cool Kenji. Ah, non mais c'est vrai. Au top. Kenji, il est cool. Il est cool, ah ouais. Cool, cool. Non mais c'est vrai, il est cool, cool, cool. Je la joue cool, cool, cool. C'est vrai que j'en ai tant rêvé. Et je roule, roule, roule avec ceux qui m'aiment. Franchement, c'est bon ça. Kenji, il est là, il s'ambiance, il chante. Il a la voix, il m'a dit hier, j'étais à Dubaï, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Demain, t'es où? Demain, t'es où? Casablanca. Oh là là, après demain, t'es où? Après demain. À la maison. Après-demain, je suis en Belgique. Oh là là. Non, non, pas après-demain, le temps du retour. Ouais. Dans 2-3 jours, je suis à Bruxelles. Tout le monde le veut, laissez-le nous en France. Ah ouais. On le veut, nous, Kenji. Franchement, c'est un bonheur. Kenji, il y a plein d'infos sur toi, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. D'accord, ah, ok, vas-y. C'est le JT de Kenji, c'est parti, les amis, ça démarre. Kenji, il paraît que lorsque t'as gagné The Voice, on t'a exfiltré. Hein, dans un fly case. Alors c'est quoi un fly case? C'est une espèce de cantine. C'est une boîte qu'on met pour mettre les instruments. Ouais. Ah ouais, une fly case. Ouais. Pour les parents. Oh, il fait le mec. C'est vrai ça, Kenji? Ouais, c'est vrai, ouais. J'avais déjà quand même un petit public qui me soutenait. Ouais, bien sûr. Un sacré public qui me soutenait. Et pour passer de l'autre studio à l'autre, parce qu'on avait terminé la finale et tout, il fallait qu'on me mette dans cette fameuse boîte qui s'appelle un fly case. C'est pas vrai. Si, si. T'as vu ce que ça faisait d'être dans un cercueil, quoi. J'ai pensé en plus. La Kenji Box. La Kenji Box. C'est énorme cette histoire, complètement ouf. On a aussi une autre info. Kenji, tu pensais finir ou démarrer du moins une carrière d'élagueur comme ton papa, parce que ton papa il était élagueur. Alors, c'est-à-dire qu'il coupait des arbres. Tu l'as fait aussi un petit peu. Je l'ai fait aussi et mon frère aussi. Voilà, c'est l'entreprise de famille. Tu grimpais aux arbres. Je grimpais très très haut, je coupais très très haut. C'était très dangereux. Je me suis fait peur plein de fois. Ouais. Et vu que je rongeais mon père à chaque fois pour dire papa, laisse-moi monter parce que je ne voulais pas. Ah ouais. Je le rongeais tellement, il me dit ah oui, tu veux monter, ben vas-y alors. T'as c'est ouf avec la tronçonneuse et tout. Arras du visage. Oh là là, j'aime. Maintenant il coupe la barbe. Ah, maintenant il fait barbier à l'occasion. Non mais si tu veux commencer, il y a Sarah. Hein. Tu peux dire. J'étais sûr. J'étais sûr. Les lagueurs professionnels qui me disent ça. Sarah, c'est comme dans Scary Movie. Hein. T'enlèves la culotte. Et... Ah, mais c'était mal. Non mais Kenji dealer, ils peuvent pas se comporter comme ça. C'est pas possible. Arrêtez les garçons. On parlait des lagages. C'est pas, mais elle a un bel Airbus. Allez, info numéro 3. Kenji, t'es de Périgueux, du coin là-bas. Hein. Du coin, exactement. Ouais, alors il y a justement des avocats qui étaient en train de manifester et ils ont parodié une de tes chansons à Périgueux. Est-ce que t'es au courant de ça ou pas? Ils ont fait quoi? Eh ben, ils ont parodié. Ouais, ils ont parodié une de tes chansons, écoute. Pas toi, ma pauvre C'est énorme, non, ou pas? Ouais. Mais ils avaient des gilets jaunes ou pas, eux? Ouais, non, bah, je... non, c'est les avocats. C'est les avocats de Périgueux. De Périgueux, ils t'ont rendu hommage, Kenji. Ah, mais tu vois. Écoute, c'est fort, je pense qu'un jour, c'est un souci. Ouais, c'est gratos. Ils te font ça. D'office. Info numéro 4, t'es fan de l'équipe de France, on t'a vu en photo avec Mamadou Sakho. Ouais. Ah, oui, oui, bien sûr. C'est... Ouais. Déjà, je suis fan de l'équipe de France, oui. D'accord, et Mamadou Sakho. On se connaît un peu, donc ouais. C'est vraiment un bon gars, très gentil. Il fait beaucoup de bonnes actions que j'aime bien, tu vois. Il livre tout le temps plein de riz et tout en Afrique. Et, d'accord. Parce qu'en fait, voilà, il travaille avec mon gars qui est avec moi. D'accord. Et donc, voilà, je le vois faire plein de bonnes actions. Génial. Et je trouve que c'est beau. Bien, c'est cool. C'est beau. Et t'aimes la France. Et d'ailleurs, ils t'ont un petit peu rendu l'armée de l'air française. T'as invité à découvrir un peu ce qu'ils faisaient. C'est vrai, ça? T'étais dans les avions et tout? J'étais dans les avions. Je suis monté dans un avion de chasse. Ah, ouais. Même piloté l'avion de chasse. Un conduit accompagné ou? Ben oui, pour le coup, oui. Parce que lui, il était devant. Ouais. Moi, j'étais derrière le siège. Ouais. Tu vois, c'est pas vrai. Non, je te promets, j'ai même passé en haut de ma maison avec. J'ai dit à ma famille avant de décoller, j'ai dit sortez. Je vais passer un avion de chasse. T'as vomi ou pas? Non, même pas. Bravo. Eh ben écoute, hein, aujourd'hui, t'es à côté d'un avion de chasse. Oh, allez, rattrape-toi. Je parle évidemment de Sylvain. Moi, je suis plutôt abonné à 747. Non, non, on veut pas savoir. Et enfin, c'est ouf et c'est rare parce que t'es hyper jeune, Kenji. T'es déjà dans le cœur de tous les Français. Il a fait le JT de TF1 à 20h. C'est ouf. Mais ouais. C'est fou cette histoire. Ah. Alors, comment on se retrouve au JT? On n'est pas impressionné là à 20h sur TF1, plus grosse chaîne d'Europe. T'es là, c'était avec qui? Anne-Claire Coudray, c'est ça? Exactement, ouais. Oui. Mais ouais, bien sûr, le JT, ça fait peur. Ouais. Ça fait très, très peur. Ah, une fois, je l'avais fait avec la première fois avec Mika. Ouais. Mais j'avais la confiance parce que je le savais que c'était bien Mika. Tu me laissais parler. Vas-y, Mika, vas-y. Et donc là, quand tu le fais tout seul, ouais, c'est impressionnant. Oh, putain, ouais, c'est ouf. Enfin, là, tu fais ce que tu sais de mieux, tu chantes, quoi. Tu chantes, ouais, là. Ouais. T'es là, ouais, dès qu'elle part, tu réponds. Ouais, alors, Kenji, racontez-nous votre carrière. Et ça s'est bien passé, oui, oui. Tu dis oui ou non? Dis-moi non, tu fais ce que t'es bien, tu chantes. Alors que nous, dans l'équipe, il y en a même pas une de nous qui a fait un journal régional, je crois. Ouais. Oh, même départemental. Ouais. Non, mais c'est fort et c'est une belle fierté. On est très contents pour toi, ouais, que tu l'aies fait. Bah, et je voulais le souligner parce que je trouve ça super rare. Et c'est vraiment que tu touches tous les Français pour arriver à 20h. Non, mais c'est, ouais, vrai, incroyable. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, Thiago, qu'on entend là, c'est une chanson pour ton ami d'enfance. Exactement. Alors raconte-nous un peu ça. Ah ben, ce petit Thiago, maintenant il a grandi, il est même plus grand que moi, je l'ai vu l'autre jour. J'ai même pris une photo au cas où, si vous voulez le voir. Ouais. Parce que j'avais promis ça à des fans et tout. Et donc, ouais, c'est vrai, j'avais discuté avec Vianney, parce que c'était le premier jour où j'allais travailler avec lui. Ouais. Et on a commencé à prendre les guitares, on a joué qu'à la guitare, on n'avait pas de thème. Mais après, bon, mais écoute, on va parler de quelque chose de toi, de ta vie. Je dis ok. Et donc, j'ai commencé à me confier, tu vois. J'ai ah ouais. Et j'ai parlé des petits cousins de chez moi. Je t'ai saoulé. Non, je suis tout ouïe. Il est juste fan. Moi je kiffe. Alors tu expliques, lui sa spécialité c'est le faillotage. C'est pas vrai, frérot. Je le fais pas à tout le monde. Et là du coup j'avais discuté de mon petit cousin à Vianney et tout, et il a vu que j'avais le plaisir à raconter cette anecdote, et du coup il m'a dit c'est ça, tu vois frérot, comment tu parles de ton petit cousin, des valeurs de chez toi. Je dis allez vas-y, la chanson ça sera ça, avec les trois petits accords qu'on a fait. C'est fort et franchement c'est un carton, et nous on adore l'écouter. Peut-être qu'un jour tu feras une chanson sur Rico Show, non? Je sais pas, attends. Rico Show! Tu vois, j'aime bien, je sais. Tu vas faire notre jingle. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée, très bonne idée. Kenji, Sarah a souhaité te faire un cadeau, elle a rencontré quelqu'un d'exceptionnel. Ouais, alors j'ai rencontré un jeune artiste que j'ai découvert sur YouTube. Il s'appelle Lilian Rodriguez, je sais pas si ça te dit quelque chose. Il fait pas mal de covers sur YouTube. Et du coup, il t'aime beaucoup, Kenji. Il a souhaité être là quand il a su que tu venais ce soir pour interpréter un petit medley de tes hits. Voilà, donc on l'accueille. Il s'appelle Lilian Rodriguez. Il va se mettre en place doucement. Très bien. Écoute, on va laisser Lilian se mettre en place tranquillement. Hein, vas-y, mon Lilian. Il va chanter et après, tu lui diras ce que t'en penses. Bien. C'est fort. Kenji, quand il croise un frère, il parle en espagnol. Rodriguez, compère. C'est fort, on a envie de manger une paella. Par contre, il a une guitare, le frérot, les amis. Raconte-nous, tiens, la guitare. C'est une Alhambra

que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Et le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Ce soir, Rico Show exceptionnel. Émeric Ponnery et son équipe reçoivent Kenji sur Énergie. Eh oui les amis, on a vraiment beaucoup de chance, on a Kenji qui est avec nous, on adore ce tube. Oh j'adore. Kenji qui a gagné le Energy Music Award encore cette année. Eh oui. Ouais. Eh ouais. Encore mérité, une victoire, hein. Une de plus, hein. ça fait 4 au total Kenji. 1, 2, 3, oui. 4 plus 4, le cinquième, on te 4, donne. C'est ça, oui, on te donne. On te donne à l'avance, on fait une avance sur chaque année. T'imagines, tu dis jamais 304. T'imagines, tu dis j'en ai 6. Et alors que c'est pas vrai, tu vois, c'est pour ça que j'ai bien réfléchi. Attends, mais c'est vrai, t'as plein de récompenses. Des récompenses, ça tombe de partout, là, Kenji. Mais ça fait plaisir, bien mais sûr. Mais tu les mets où, toutes ces récompenses? Moi, c'est la question que je me pose à chaque fois. Je les mets dans la maison, c'est mon père qui les garde. Et à chaque fois, dès que je gagne, il fait donne, petit. C'est sympa, il y a une vitrine. Il m'a même fait une petite chambre et tout, la maison, avec, avec les tableaux. Il m'a mis la. Il m'a fait une guitare au sol. Avec C'est beau. Non, c'est un fusil devant la porte. Celui qui ouvre, il finit gris, je vous le dis. Kenji sera évidemment tourné dans toute la France à partir de mars 2019 et à l'accord Hôtel Arena qui est Bercy, en fait. Ouais, c'est le 30 novembre 2019 et on est super content de t'avoir. On adore évidemment ton album Façon Énergie. On écoute en ah, de ouf. Vraiment, c'est ta radio. T'es à la maison, Kenji. Merci. Tu viens quand tu veux, t'es à la barre. Si un jour tu sais pas quoi faire, tu viens à la cantoche là. T'as le badge. En plus, c'est pas cher, 2 euros. C'est pas cher. Sylvain sera là pour t'aiguiller et se faire payer la cantine aussi. Ouais. Donc vraiment, t'es le bienvenu. Il y a un titre qu'on aime particulièrement aussi, c'est Les yeux de la maman. Oh mon Dieu, laissez-les-moi. On a des questions à te poser, Kenji. Allez, notamment concernant ta maman. C'est vrai. Voilà, ouais. On sait qu'elle est plus importante que tout. Hein. C'est vrai, Kenji. Bien sûr, oui. La maman, c'est important. C'est important. Et toi, tu l'as mis même en chanson. Donc, on va voir si t'es un fils à maman ou pas. Allez, allons-y. D'accord. Alors, Kenji, est-ce que la femme de ta vie doit obligatoirement plaire à ta maman? Genre, oui. C'est obligé. Oui, ouais, bien sûr, oui. Et si c'est moyen, genre, elles s'entendent pas trop. Ben, si c'est moyen, ma mère, vu qu'elle m'aime tellement, ben, elle me dira, fille, si c'est pour toi, j'accepte. Mais, c'est beau. Mignon. Elle m'a mis les frissons, ouais. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai. Tu lui as mis les frissons. Merci, moi, j'ai pas vu ma mère. Elle me manque, moi aussi. C'est vrai, j'ai une question, Michel. Ça fait 20 jours, je l'ai pas vu. C'est sûr, ouais. Kenji, tu peux le présenter à ta mère, lui. Non. Pas comme ça. Combien de fois par jour as-tu ta maman au téléphone? Combien de fois par jour? Je peux l'avoir une fois, deux fois. Une fois, deux fois, voilà. Ouais, on s'appelle tous les jours en tout cas. Ok, est-ce que tu organises. Voilà, si tu organises une soirée entre potes à la maison, mais ta maman est là, est-ce que tu lui demandes de partir ou comment ça se passe? T'es là, tu veux faire une soirée? Ah, si je veux faire une soirée? Ouais. Ben, je la fais pas chez moi. Tu la fais chez les autres, d'accord. T'es malade, t'as une petite grippe. T'appelles ta maman pour qu'elle vienne à ton chevet? Ah ouais, directement. Oh, c'est chou. Mais on le fait tous. Ouais, bien sûr, elle appelle directement. Et c'est même elle qui est le docteur. Elle croit pas le docteur. C'est elle qui dit, prends, c'est caché là. Tu prends pas. Mais c'est vrai, elle croit pas les darons, le docteur, en général. Elle a sa façon de me guérir depuis tellement de temps. Elle te fait bouffer de l'oignon, toi. À l'huile d'olive. Elle te fait un bouillon. Non, même pas. Mais elle me fait des grogues avec des oranges. D'accord. Recette de grand-mère, ça. Ouais. Marche très bien. C'est les recettes de génération en génération. D'après, faut pas dormir après. Comme ça, tout de suite. sens pas bien. C'est ta mère qui te rend malade. Ouais, mais le lendemain, t'es d'aplomb. T'es neuf. Ouais. Bon, ta mère, elle est au courant de tout dans ta vie ou tu gardes un petit jardin secret ou vraiment à chaque décision, à chaque truc, voilà, tu l'appelles? Ah non. Si c'est des trucs privés de moi, de ma vie, non, elle sait rien. Tu vois, justement, j'essaye d'y cacher le maximum. Bon, mais là, c'est foutu. On n'aurait pas dû lui dire, merde. Non, mais j'essaie, quand je fais des. Bien sûr, ben, comme tout le monde, quand je fais des bêtises, elle ne sait pas, non. Ouais, elle ne sait pas. Et d'ailleurs, quand elle te prend en flagrant délit de mensonge, tu mets du temps à cracher le morceau ou tout de suite tu dis. J'avoue. Écoute, maman, ou tu mets un mensonge sur le mensonge. Non, mais je rigole, je ne peux pas lui mentir. Quand je lui mentir, je me mets à rigoler. Ce serait bien qu'on puisse faire ça avec nos meufs. C'est des problèmes. Non, c'est vous le faites déjà, en fait. Ah oui, on le fait déjà. Ouais. Oula, et toi. Ouais, elle s'est fait enfumer. Elle. Ah ouais. Ah, tu crois vraiment qu'on le fait avec ta meuf? Ouais, je pense. Ouais. Vous avez des animaux, je vous l'ai déjà dit. Arrête, mais qu'est-ce que t'as contre nous, Kenji? Explique-lui. C'est pas bien. En ce moment, moi, je suis pas dans votre disco. Non, pas Kenji, vous. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ouais. On a bien compris que Kenji, tu l'aimais beaucoup. Allez, Kenji, il va nous faire un live de Thiago. On pourrait se faire ça. Allez, tu veux faire quoi, Thiago, pour oublier? T'as envie de faire quoi, moi? Je te fais Thiago parce que. Allez, Thiago. Vous voulez Thiago? Bien, Thiago, Thiago. Ouais, non, en fait, attends, on recommence. Ah ouais, c'est attends. Ils ont applaudi, gros, pourquoi? Ouais. Alors, je t'explique, en fait, ils aimeraient tout, en fait. Ils aimeraient que tu fasses l'album. Tu vois, ils ont bégayé. Non, Thiago, c'est bien. Ils connaissent très bien. Vous voulez Thiago? Oh là, attends. On va faire un vote. Non, mais choisis sur du karaoké, tu sais. Alors, attendez. Hey, Kenji, vous avez cru, on lui mettait une pièce et. Tu sais quoi, on va rester sur le premier choix. Ouais, Thiago, ça va être Thiago. Tu sais quoi? C'est ce que m'a dit ma mère aussi pour ma meuf. C'est parti, Kenji, Thiago. Il va nous faire en live. Vous êtes dans le Rico Show sur NRJ, 20h, 23h. On adore notre Kenji. Ah bah ouais. Oui. Franchement. Le gendre idéal. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Le mec idéal aussi. Le gendre idéal. Kenji en direct dans le Rico Show sur NRJ. On est sur le Facebook Live d'Energy. Vous pouvez venir le voir et vraiment kiffer. Voilà, profiter de sa bouille, profiter de son talent. Les amis, c'est. C'est Kenji. Oh, ils vont t'allumer. Ça va arriver, t'es ils se font toujours un suspense. C'est vrai. Ils mettent en galère le chanteur parce que Kenji ne s'entend pas, mais ça arrive. Allez, c'est parti. Kenji dans le Rico Show sur NRJ. 1-2-1-2. Ouais. Ah non, il n'y a plus personne. Retour est demandé pour Kenji. Kenji, ils sont partis boire. La technique. Ils sont partis boire un coup. Technique. Je crois qu'il y a une de tes fans qui n'était pas d'accord pour Thiago, elle a coupé le fil. Je crois que la version technique n'est pas là, surtout. Je crois que, ouais, c'est ça, ouais, c'est qu'en fait la technique n'est pas là. D'accord. Ah, d'accord. Oui, d'accord. C'est le moment qui se barre. Est-ce que c'est normal? Il est parti d'accord. Faire pipi. C'est la pause syndicale, on appelle ça. Bon, les amis, on va se mettre David Guetta et puis on. Allez, vas-y, on se le fait après. Ouais. Ah, on se le fait après, ouais. Oui. Quel jour on t'entend plus. Allez, David Guetta et puis Kenji derrière, c'est pareil, les amis, va se mettre en place et désolé pour la technique. Dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Believe you, I feel alone in your arms, I feel you breaking. escuchas de Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me heal. Say my name, I am dying to believe you. Ce soir, émission exceptionnelle avec la superstar Kenji Girac sur Énergie. Eh oui les amis, on a beaucoup de chance d'être avec Kenji. Kenji qui va nous faire son live Thiago dans deux minutes. Ouais. Ça y est, il est en place. Et on applaudit le technicien qui était en train de pisser. Bravo. C'est vrai. Oh non. Il a éteint la lumière. Non mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Oui. En tout cas Kenji, franchement, il a fait ses petites balances comme ça. Ah, et franchement ça, oh là ça là. Y est. T'as les frissons grave. Déjà JM? Non ça va là non. Il va bientôt chialer je pense. Ah ouais, mais bientôt, il a fleur de peau depuis Kenji ouais. Est là. Eh oui. Hein, quelle la émotion base, hein. La base. C'est vrai, c'est fort, c'est fort. Attends, lui il va se marier, il va décéder au mariage. Cardiaque. Non mais c'est fort. Alors Kenji, t'as fait l'aventure Robinson sur TF1. Ouais. Alors raconte-nous un petit peu, tu l'as fait avec Maître Gims. Exactement, oui, c'était assez dur parce que je pensais pas que c'était aussi vrai que ça. C'est pour ça que j'acceptais d'ailleurs. Je pensais qu'on allait m'aider et en fait non, pas du tout. Sorte de Koh-Lanta quoi un peu. C'est assez Koh-Lanta mais bon en plus court. Donc j'imagine Koh-Lanta frérot, c'est je comprends pourquoi l'autre il voulait tuer la chef. Tu te souviens? C'était qui? C'était Mohamed. C'était magnifique. Non. C'était un chauve, je sais plus comment il s'appelait. Si, c'était Mohamed. Ah ouais, c'était Mohamed. Si, il était chauffeur de bus, oui. Momo. En fait, pour ceux qui ont pas connu, à Koh-Lanta, le gars il a trouvé une chèvre et la chèvre était enceinte. Et il avait un coupe-coupe énorme et à un moment donné, il y a un gars de la presse, il dit tu peux pas bouffer la chèvre parce que la chèvre elle a trop. Il a touché le la chèvre. J'ai dit que sa mère. Il aurait pu faire du fromage de chèvre au moins. Non mais c'est vrai. En plus la chèvre elle était enceinte. Et lui disait non on va te ramener une chèvre. Sauf que le gars il avait pas bouffé depuis 20 jours. Il était hystérique. Il a dit je donne pas ma chèvre, vous allez pas m'en donner une. Incroyable. Alors que nous on a des chèvres. Mais bon, t'as vu quand t'as faim pendant un certain moment. Tu vrilles, tu craques. T'as faim. C'est la loi de la nature. Alors que c'est fou. Alors que nous on a une de chèvre. Il est relou. Tu voulais la sortir. Il l'a fait une première fois, on n'a pas rigolé, il a ressorti une deuxième fois. C'est pas gentil, c'est pas parce qu'elle est cocu qu'elle a des cornes. Mais ils sont malins, mais vous êtes fous. On rigole. Mais d'où ça, je suis cocu, mon mec il est très fidèle, il est pas comme vous en on fait. Le hein. Sait, on ouais, le ouais, sait. On le sait. Et il est très fort d'ailleurs. Bravo. Bravo pour ta fidélité. Inespéré. Mais non, peux plus. On rigole. Mais ça, oui, allez. On t'aime. Alors t'as fait l'aventure Robinson et finalement bon souvenir. Finalement, mon souvenir, oui, bien sûr, parce que quand j'ai vu que j'ai survécu, donc j'ai arrivé quand même à tout ce que je voulais faire, même on a gagné pour l'association, parce qu'à la base aussi c'était pour une association, pour les petits jeunes et tout, qu'ils en avaient besoin. Ouais. Et on a ramassé un maximum d'argent avec Gims, on est arrivé à 50 000 euros, je crois, un truc pour l'association. Énorme. C'est beaucoup, donc voilà. C'est cool, on l'aime bien aussi, fallait. Gims, les deux là. C'était la paire, il n'y en a pas deux. C'est génial. Alors, Kenji, avant que tu chantes, il va falloir que tu fasses un choix. Devant toi, tu as une boîte. Ouf. D'accord. Ouais. Sylvain a une boîte également. Ouais. D'accord. Il y a une boîte dans laquelle il y a un gâteau. Dans l'autre, il y a des insectes séchés. D'accord. Cafards et tout, en tout genre. Avant de chanter, ça va être bien pour la voix. Alors Kenji, écoute Sylvain, il va t'indiquer la boîte que tu dois choisir, évidemment. À toi de te fier. C'est Sylvain qui m'indique. Voilà, c'est Sylvain. C'est lui, pas il a une boîte. Mais lui, on peut pas lui faire confiance. Mais non. Ah bah, à toi justement de voir. Il a une boîte, t'as une boîte. Une comporte un gâteau, l'autre des insectes. Sylvain, quelle boîte tu proposes à Kenji? Ouais, c'est pas les yeux de maman, c'est les yeux de Sylvain là. Donc regarde-moi bien. Alors regarde. Attention. Ah mais attention. Je regarde. Frérot, ouais. Moi je peux dire que j'ai le gâteau. C'est vrai? Ouais, j'ai le gâteau. Donc c'est toi qui vois. Attends, je suis comme ça. Non. Moi j'ai le gâteau. Après c'est toi qui vois. Si moi je te conseille de prendre ma boîte. Donc il veut que t'échanges. Ouais. Franchement pour ta voix, comme t'as dit et tout, prends le gâteau. Ah, en plus, je sais que t'as pas trop mangé aujourd'hui, on m'a dit. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, frérot. Il est fou. Qu'est-ce que vous conseillez le public? Est-ce qu'il écoute Sylvain? Et en plus, hey. Non, les autres, ils disent garde la tienne. En plus, c'est du papy brossard. C'est du papy brossard, je peux dire qu'il est bon. Oh, le papy. Tu crois, mais non, mais moi, je réfléchis à quelque chose. Il travaille ici, il invite un artiste. Je pense pas que c'est lui-même qui va me donner l'insert. Il va avoir la télé. Imagine. Non, mais il est pas intelligent, ce gars, je te le dis. Hein. Non, mais fais gaffe. Allez, papy brossard. Papy brossard là-dedans. Kenji. Ah, non, tu me l'envoies trop, là, je garde celui-là. Je te dis, bravo. Allez, vas-y, je prends celle-là. Il vient de Carrefour, celui-là. Kenji, qu'est-ce que tu fais? C'est la décision. Est-ce que tu échanges? Ultime. Allez, vas-y. Je prends ta boîte. Kenji, prends la boîte de Sylvain. D'accord. Ah non non. Et Kenji va manger les insectes. Mais Kenji, Kenji. C'est Kenji. Sylvain qui les mange. Kenji, ouais. Évidemment que c'est Sylvain qui les mange. Oui. Mais comme quoi, Kenji, t'as pas de pif. On va pas te faire manger les insectes parce qu'on veut que tu chantes bien. N'est-ce pas, mon Sylvain? Et puis moi, les insectes, j'aime. Hein. Vas-y, ouais, ça dit que ça fait du bien. C'est plein de protéines, ça. Vas-y, fais voir. Regarde. Voilà. Elle mange tout le paquet. C'est beau, celui-là. Vas-y, fais voir. Non, une poignée, allez. Bah, vas-y, croque au micro. Ah, il mange des criquets. Croque, Sylvain, qu'on l'entende. Ah. Et tu l'as eu à Roland. Mais t'as fait la voiturée, t'as pas mangé d'insectes. C'est des vrais insectes. Si, bah c'est des vrais insectes. C'est vrai, tiens, Bren. Comme la cacahuète. T'as pas une c'est bière. C'est un animal, t'as pas une bière, ce mec. T'as pas une petite bière. Mange les verres, mange les verres. Kenji, il a envie de se barrer. Allez, les amis, on peut applaudir Kenji qui a joué le jeu. Bravo, Kenji. On va terminer avec toi, Kenji. On se fait le live de Thiago. Allez, vas-y, Kenji. Allez, là, il se dit, j'ai eu chaud. Tu peux repartir avec le gâteau, mon Kenji. Il est consommable. Ah ouais, ouais. Il a peur. Attends, le technicien, il est parti pisser. Ah, non, ouais. C'est pas vrai. Il a pas de vessie, je t'expliquerai. Allez, les amis, Thiago sur Énergie. C'est le Rico Show, 20h, 23h. On est hyper content d'être avec Kenji, hein, qui sera partout là à partir de mars 2019. Ouais. C'est la grande tournée. Il finira à l'Accor Hôtel Arena, qui est Bercy, quoi. D'ailleurs, ce nom-là, il me. Ah ouais, hein, c'est relou. Ouais, c'est ouais, tout le monde. Ouais, finalement, chaque fois, t'es obligé de dire. Hein ouais, c'est vrai, tout le monde n'accepte pas. Quoi. Non, mais c'est vrai. Il y a, on dirait un maillot de bain avec un hôtel. C'est chelou cette histoire. Allez, les amis, Kenji en direct dans le Rico Show sur Énergie. Thiago. Public, ça va? Depuis qu'on est des mômes. Mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Amon. Qui se moque de toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donna des points. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Ah bon? Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Thiago. La copine qui part, ben ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Thiago, Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie. Thiago, Amaya, Thiago, émission exceptionnelle. Avec la superstar Kenji Girac sur Énergie. Yes, les amis, bravo Kenji. Vraiment, vraiment, c'est du bonheur. Ah ouais. C'est du bonheur de t'entendre chanter. Kenji. Merci les gars, merci beaucoup. Kenji, merci, on a passé un moment de dingue avec toi. Voilà, franchement, c'est ouf. Et tu reviens quand tu veux. Chaque fois, on s'amuse avec toi. T'es simple, t'es voilà, c'est un kiff. Avec plaisir, les amis. Tu sais c'est que, pour t'es, ça que t'es la famille. Merci beaucoup, c'est gentil. T'es la famille. T'es la famille. Kenji, t'es la famille. Qu'est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On a perdu 3 ce soir. Ah ouais, passage. A perdu. Merci en tout cas. Et Amigo, le nouvel album de Kenji est déjà évidemment double disque de platine sur lequel on retrouve tout. Maria, que j'aime beaucoup. Pour oublier, Thiago. Voilà, en 3 albums, Kenji, c'est plus de 3 millions d'albums vendus. C'est ouf. Plus d'un milliard de vues. C'est ouf, franchement. Et déjà 280 millions sur rien qu'Andalouse. Pour dire, l'Andalouse, elle a toujours fait recette. C'est vrai. Alors, on va y aller en vacances. On va y aller en vacances. Merci Kenji pour tout. Merci à vous les amis. Tu reviens amis. Quand merci tu veux, ok frérot. Avec plaisir. Bisous Kenji les merci. Amis. Merci. Sarah, c'est ton tour maintenant. Tu prends le relais. Ouais. C'est le relais avec Sarah Magouille. Yes. Sarah, rendez-vous justement pour louer son appartement. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est draguer la personne. C'est ça. Et à la fin, Sylvain se présentera fou de rage, les amis. Est-ce qu'on a le jingle, tiens, de Sarah Magouille qui est énorme, les amis. J'adore. Hein. Sarah, j'adore. T'es prête? Oh là là, je suis prête, je suis prête. Surtout que. Ciao mon Kenji. Ciao. Le petit jeune avec qui j'ai rendez-vous ressemble un petit peu à Kenji. C'est pas vrai. Je te jure. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Et ouais, je sais que tu comptes faire le lourd en mode tu veux le pécho. Ah, je vais faire la relou comme vous, les mecs, en fait, mais version meuf. C'est pas vrai. Ah, je vais le draguer. Sarah Magouille arrive, les amis. On va se régaler. Et puis, on fera un dossier sur les relations toxiques. Oula. C'est vrai, on a besoin d'en parler. On a besoin d'en parler. Bah, Sarah, t'es prête? Ouais, je suis prête. Allez, on y va, Sarah Magouille. Imaginez, Sarah va faire croire que son appartement est alloué à un jeune homme qu'elle tentera de mettre dans son lit. En réalité, cet appartement appartient à son mari qui va débarquer en pleine visite. Fou de rage. Attention, Sarah Magouille est en pleine action sur Énergie. Eh oui, c'est un concept exceptionnel. Et ce qu'elle va faire, franchement, c'est ouf, ouf, ouf. D'autant que Sylvain va arriver, vraiment, c'est elle est malade, elle est malade. Franchement. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Oh là là, allez. Elle se connecte, l'appartement est juste à côté, les amis. C'est le même que le Tinder. Ouais. Donc on est peinards. Let up, bitches, sur Énergie. Et puis on retrouve Sarah qui va nous faire rêver. Et puis les relations toxiques. Bref, on est là jusqu'à 23h. Que du kiff sur Énergie. C'est un kiff d'être avec vous. Oh là là, j'ai hâte. Courage, ma Sarah, fais-nous rire. Et puis, le final est dingue. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Can you just give me one more favor? good bitches. Son appartement est alloué à un jeune homme qu'elle tentera de mettre dans son lit. En réalité, cet appartement appartient à son mari qui va débarquer en pleine visite. Fou de rage. Attention, Sarah Magouille est en pleine action sur Énergie. Eh oui les amis, avant de parler des relations toxiques, c'est complètement ouf ce qui est en train de se passer. On va récupérer Sarah. Sarah qui va récupérer la personne, ça va être complètement ouf, hein, puisqu'elle prévoit de louer son appartement, mon GM. Ouais. Sauf qu'à la fin, Sylvain va débarquer, puisqu'elle sera en train de draguer la personne. D'accord. Sans cesse, ça va draguer. Et le mari va rentrer et il sera pas content du tout. Mm-hmm. On se connecte avec Sarah qui a rendez-vous donc avec une personne pour louer son bien, soi-disant. Vas-y. Sarah. Ça va ? Je suis essoufflée, j'ai couru de fou. C'est pas vrai ? Ah, je te jure. Heureusement, c'est à côté, tu vois. Voilà. Le gars, il m'a envoyé un SMS, il arrive, dans 2 minutes, il m'a demandé le code. Ah bah écoute, très bien, on reste avec toi. Donne-lui. Ouais. Donne-lui le code. Alors, je vous rappelle qu'en fait, Sarah, elle fait comme si elle louait son bien. Ouais. Et en fait, il n'est pas loué, hein, puisque c'est l'appart de son mari, il en est propriétaire. Donc le mec, il va tomber des nues quand il va apprendre qu'en fait, tout ce qu'elle veut, c'est le séduire, le draguer et faire des dosses avec. Allez, c'est parti, on se connecte avec Sarah et elle va croiser le type, on y va. Ça va, Sarah ? Bonjour. Bonjour. Enchantée. Sarah Magouille. Mais vous pouvez m'appeler SM. Rentrez, s'il vous plaît. Non. SM, c'est mes initiales. Ou Sarah, ou Magouille, comme vous voulez. Alors, venez. Venez, je vous en prie. Alors, j'ai votre dossier avec moi. Tac. Alors, attendez. Par contre, c'est tout brouillon, là. Je comprends pas. Pourquoi ? Alors, je vous explique, ouais, je suis en peignoir parce qu'il y a une petite fuite d'eau là. Je suis toute mouillée là. Je vous dis pas le tuyau. Ah, chauffe, hein. Ah, ouais. En pleine tronche. Alors, en fait, je vous explique. Je vais vous montrer un petit peu la cuisine. Venez. Je vous explique. C'est à ce niveau-là et d'un coup, pam ! Et toute mouillée. Je suis toute mouillée. Voilà. Je suis toute mouillée. Du coup, voilà. Vous avez l'air d'avoir des belles mains. Alors, peut-être que vous pouvez m'aider. Je vais vous montrer. Alors, hop, c'est à ce niveau-là. Là. Vous voyez, ça crie un peu et ça suit. Allez-y, cambrez-vous, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà, on se cambre. Ah, belle lune, hein. Oh non. Ah, c'est la pleine lune, visiblement. Ah, c'est la pleine lune, elle est pleine. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Oh non. J'aime beaucoup. Ah là là, un cheval de compète. Bon, alors, il a un problème ou pas ce... Il est lourd comme les hommes. Il y a un petit souci. Bon... Bon, écoutez, on verra ça après. De toute manière, j'ai les moyens. J'appellerai quelqu'un de spécialisé. Alors, ce qu'on va faire, j'ai votre dossier. Alors, je vais pas pouvoir le regarder. J'ai vraiment très froid. Est-ce que vous pouvez pas au moins, je sais pas, me prêter votre gilet ou votre pull ? J'ai là la rigueur. Après, le pull, c'est frais un petit peu, ça risque de faire un petit peu trop. Écoutez, si vous voulez cet appart, à un moment donné, il va falloir se soumettre. J'ai pas envie d'être comme ça un petit peu speed avec vous, mais voilà. Si vous savez être gentil avec Sarah Magouille, il y aura de la magouille. Voilà. Alors on y va, on se déchappe. Bon, allez hop, on s'y file au mastic. Oh non, quelle horreur. Elle est en train de soudoyer le client. S'il veut l'appart, il doit donner de son corps. Ouais. Sauf que Sylvain, son mari, va rentrer dans 1 minute, fout un bordel pas possible. Et à mon avis, la réaction de ce locataire, enfin qui espère devenir locataire de ce bien qui est en réalité une propriété, va péter un plomb. Charles sera sur Énergie. On est là jusqu'à 23h derrière les relations toxiques. Oula, on souffle. C'était speed. Mais que c'est bon. On est là jusqu'à 23h. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road. Gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Skip around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. La trompette, comme Sarah Magouille. Imaginez, Sarah va faire croire que son appartement est alloué à un jeune homme qu'elle tentera de mettre dans son lit. En réalité, cet appartement appartient à son mari qui va débarquer en pleine visite. Fou de rage. Attention, Sarah Magouille est en pleine action sur Énergie. Eh oui, d'ailleurs, elle a son locataire qui pense louer un appartement. En fait, il n'en est rien, c'est l'appart de son mec. Enfin, soi-disant. Et son mec, c'est Sylvain. Il va débarquer dans une minute pour foutre un bordel, voyant que sa compagne est en train de chauffer un mec. C'est énorme. Et puis derrière, on parle de comment libérer, comment se libérer d'une relation toxique. On se connecte avec Sarah dans l'appartement qui drague son locataire. Bah, Rico, je suis dans la salle de bain, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, en fait, il m'a prêté son pull. Donc, là, j'ai mis le pull, je vais y retourner. C'est pas vrai. Il est torse nu, ouais, le... Non, Marcel n'a vu pas le pull. Il est chaud et j'ai très peur, j'y vais. Arrête, c'est vrai. Oh là là. T'as la magouille. C'est bon. Ouais. Elle prend des risques. Merci. Franchement, merci beaucoup. Du coup, vous m'avez un petit peu... touchez pas, par contre, au mobilier. Vraiment, touchez pas. C'est quoi cette photo-là? Vous touchez pas. Alors, je vous explique tout de suite. Là, on va pas s'énerver. La photo de moi avec un gars, c'est le locataire actuel, d'accord, qui va bouger de l'appartement. Ah ouais. Et en fait, je l'ai aidé. Comme vous, je vais vous aider à avoir l'appartement. Donc, en fait, il s'amuse depuis... il fait une obsession sur moi, voilà. Donc... Là, c'est plus qu'une obsession, la photo, là. Bon, on va dire que pour avoir l'appartement, c'est Sylvain en fait qui est en couple avec elle en photo. D'accord. Voilà, pour avoir l'appartement, il a été très gentil avec Sarah Magouille, la gougouille. D'accord, donc SM prend tout son sens. Voilà, SM prend tout son sens. Oula. On va commencer par parler. Rapproche-toi, on n'entend pas ça. Rapproche-toi. D'accord, donc vous vous chauffez un petit peu là, apparemment, c'est très bien. Plus que chauffer même. Bon, on va peut-être regarder le dossier, parce que vous me perturbez du coup. Alors, bon, le dossier c'est de la merde. Hein. Je préfère vous dire. Hein. Bah, c'est de la merde, les revenus ils sont pourris. D'ailleurs, votre pull que vous m'avez prêté, c'est du low cost. C'est du low cost, mon pull. Bah, le pull, c'est quoi comme marque? C'est pas de la marque, on va pas se mentir, monsieur. Oh la chienne, elle joue bien son. Ouais, c'est un fili de vide. Ce qui va se passer avec moi, il n'y a pas de vide. Avec moi, je t'explique. Je me permets de te tutoyer. Moi, tu me plais. Maintenant, tu veux l'appartement. Merci, c'est gentil. Tu veux l'appartement. Voir faire certaines choses pour moi. C'est-à-dire? Bah, je pense que tu as compris, non? Plus explicite. Bon, déjà, c'est pas toi qui pose des questions, c'est moi. Donc, je voilà, déjà, tu te la boucles. Oh non. Ce qui va se passer, moi, les visites, elles commencent toujours par une visite d'une pièce particulière. D'accord. Voilà, je pense que tu as une petite idée. C'est la pièce de la magouille. Non, c'est la chambre. Je vais te montrer. Alors, tu viens tout de suite, tu me suis. Ok. Oh là là, attends, mais qu'est-ce qu'elle fait, aller dans la piole? Hop, alors je t'explique. Donc là, on a un lit king size. Hein. Je pense que tu ne dois pas connaître ça vu ta dégaine. Oh non, ça doit vivre en cave. Ça vit en cave, ça vit sous l'eau, ça. Hein. Bon, avec moi, tu auras la vie de rêve. Hein. Je préfère te prévenir. Ok, alors là, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'allonger. D'accord. Là, il y a de l'huile d'olive, tu vas me masser avec. Oh là, mais elle a pas peur. Hein. Ouais. Voilà. Alors, par contre, tu me touches pas. C'est vraiment un massage tantrique. Ah, je sais pas si tu connais. Oh là là, ça y est, recule, elle le sent jour. Puisque si vous nous rejoignez, Sarah essaie justement de soudoyer le locataire. Elle lui dit voilà, si tu veux l'appartement, si tu veux habiter dedans, il faut que tu sois gentil avec la magouille et il faut que tu fasses tout ce que je te demande. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ouais. Il a envie de l'appartement, surtout qu'il est pas cher. On l'a volontairement mis à un prix en dessous du marché. On se connecte. D'olive. Bah écoute, on va commencer le massage à l'huile d'olive. Alors le temps pour moi de chercher l'huile d'olive. T'es chaud toi, je m'attendais pas à ça. Tu vois, d'habitude les locataires, ouais, Ils s'est chauffé. Ah, ouais. Tu le cherches, tu le trouves. Je reçois, t'es en peignoir, t'es tout mouillé, je commence à être super chaud moi au final. D'accord. Sarah. À la fin, tu dis que tu vas montrer. Tais-toi, vieux loup. Maintenant, tu sais. Je t'ai dit que j'étais SM, donc tu te la fermes et c'est moi qui te la ferme. Ça marche, tu ne me toucheras pas. Tu t'allonges tout de suite. Allonge-toi tout de suite, vieux loup. Vieux loup. Tu me cambres le cucu. Tu me le cambres. Moi, je suis pas trop passif en fait. Oh là là, ce qui est en train de se passer, ouais. C'est ouf, elle va le devoir te dire, parce que Sylvain va arriver, on va prendre des nouvelles de Sylvain, tiens. Sylvain, le loup qui est planqué dans l'appartement et qui va surgir en se faisant passer pour le mari. Enfin, il est pas planqué, il est devant, hein, mon Sylvain. Ouais, tu m'entends? Ça va, t'es prêt à pénétrer? Ah ben, pénétrer, ouais, c'est le mot, ouais. Ouais. Tu vas taper dans l'appartement. Et tu vas surprendre ta femme. Oublie pas que t'es marié avec et que t'es rentré plus tôt que prévu. Et t'aimes pas tout ce petit jeu, d'accord? Allez. Ah, j'ai pas aimé. Sarah, elle est dans une angoisse totale. Et ça tombe mal. On a 3 minutes de pause à faire. Même pas 2h30, les amis. Oh là là! La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle. Marshmello. Tu comprendras. Big Flo et Oli. Marmek et Smack. On a des souvenirs. 3 cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Vous allez gagner 10 000 euros de cadeaux par jour sur Énergie grâce à Cdiscount. C'est Manu dans le 6-9, soyez les bienvenus, on va bien démarrer la journée. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 sur Énergie. Vous voulez des dizaines de cadeaux pour Noël? Manu et Cdiscount vous les offrent. Oh là là là là! 10 000 euros de cadeaux par jour à gagner avec Manu et Cdiscount. Énergie. Colors fill my head. A million dreams are keeping me. these colors fill my head. A million dreams are keeping me. The world we're gonna make. Imaginez, Sarah va faire croire que son appartement est alloué à un jeune homme qu'elle tentera de mettre dans son lit. En réalité, cet appartement appartient à son mari qui va débarquer en pleine visite. Fou de rage. Attention, Sarah Magouille est en pleine action sur Énergie. Eh oui, d'autant que c'est Sylvain, le mari, il est devant la porte et je crois qu'avec Sarah, ça chauffe plus que prévu. Elle a envoyé un petit SMS de détresse. Elle attend Sylvain avec impatience. JM est là aussi. Ouais, salut. Vous faites le 0870 70 42 48. Plein de jeux à venir. On va parler aussi de comment se libérer d'une relation toxique. Ça va être complètement ouf, mais on se connecte avec Sarah qui a accueilli un locataire potentiel dans l'appartement de son mari, les amis. Et évidemment, son mari, lui, va dire qu'est-ce que tu fais avec ce mec-là. Normal. Et ouais, en fait, elle veut juste amuser et pécho des mecs. Tout ça n'est qu'une supercherie, évidemment. On se connecte avec Sarah dans l'appartement. Ça drague avec le locataire. Il y a un problème? Bah non, il n'y a pas de problème. Je sais pas, je te plais plus, t'es plus magouille SM, c'est quoi Bah non, c'est juste que voilà, mais je t'ai dit, tu t'allonges et voilà. Bah mais non, au final, on doit faire ce qu'on va faire. Après, moi, je veux cet appartement, je te le dis, en plus, je suis prêt à tout pour l'appartement, en plus, tu me plais, donc je vois pas c'est quoi le délire. Bah le délire, c'est que voilà, on fait un massage, y a pas de souci, mais de loin, je t'ai dit, je t'expliquais, c'est un massage tantrique, c'est tout. Tantrique. Oui, c'est ça, tantrique. Non, mais là, déjà, moi, je comprends. Bon, écoute, boucle là, maintenant, si tu le veux, cet appartement. La trique ? Ouais, la trique. Écoute, si tu veux cet appartement, maintenant, tu vas arrêter d'être vulgaire, je te le dis. C'est toi qui te le dis. Non, mais voilà, moi, je change d'avis comme de chemise, donc maintenant. Mais il n'y a pas de chauffe. Je t'explique une chose. Maintenant, si tu veux cet appartement, ok, au début, je t'ai chauffé. Là, au fur et à mesure de la lumière, je vois ta tronche et je me déchauffe. Donc, je n'ai plus envie, d'accord ? Donc, à ce point-là, donc maintenant, voilà, je me repens, je ne veux plus, d'accord ? Donc, si tu veux l'appart, tu vas être correct. Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, écoute, commence à prendre un chewing-gum, parce qu'avec ton haleine de chacal, si tu veux prendre un chewing-gum. Sylvain, top à l'intervention. Ouais. Top à la vachette. Ah ouais, top à la... Oh putain, vas-y, vas-y, cache-toi, mets-toi sous le lit, je vais t'expliquer. Je suis mariée, en fait, je t'ai menti. Vas-y, je t'en supplie. Chérie. Putain, mais mets-toi sous ce lit. Putain. Chérie, tu m'ouvres, là. Ouais, tais-toi, je t'en supplie, tais-toi. Écoute, je t'ai menti, je suis pas agent immobilier. Je t'expliquerai, je t'en supplie, juste boucle là, je suis mariée, je t'en supplie. Le nounou que tu as vu sur la photo, c'était mon mari, tais-toi. T'as une taf comme un dingue. Ouais. Ça va? Ça va, chérie? Mais... Ouais, ça va, ouais, mais c'est quoi là? Sylvain, le mari présumé de Sarah. Mais t'as habillé comment là? C'est quoi ce pull là? Bah, c'est ton pull quand t'étais jeune et que tu rentrais dedans, quoi. C'est ton... Il joue le couple, ouais, pour mieux rendre fou le locataire. Mais je te dis que c'est ton pull, mais t'es neuneu ou quoi? C'est toujours aussi débile ce mec, hein. Les pulls, je les ai mis sur le bon coin. Mais quel empoté, espèce de radin, je te dis que c'est ton pull. Tu l'as gardé dans les cartons. Non, c'est pas mon pull ça. Mais je te dis que c'est ton pull. Et c'est pas mon odeur en plus. Mais c'est mon nouveau parfum, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu te moques de moi, c'est pas mon odeur ça. Mais t'es fou toi, hein, t'es complètement malade ou quoi? Et c'est bon les deux là, les acteurs. Mais je suis pas bizarre. Ça, ans, là. Un gars et une fille. Il y a pas de mec, d'où un mec? Mais il y a pas de mec. Mais il y a pas de mec, je te dis. Vas-y, reste là par contre, t'as pas dans la chambre. Il est soumis. Pas dans la chambre. Vas-y, reste là s'il te plaît. Chérie, reste là, je vais t'expliquer. L'autre, il doit bouillir, c'est lui. Je vais t'expliquer. Il y a un mec. Il y a rien, ben regarde, il y a quoi? Sylvain, il fait 100 kg, 1m80, champion de MMA. Quoi? Mais c'est qui lui? Lui? Mais c'est qui? Lui a coupé Sylvain. Mais vous êtes qui? Mais t'es qui toi? Mais je sais pas qui c'est. Alors je te jure bébé que je sais pas. Mais je sais pas. Je te jure que j'en sais rien. Mais il y avait un problème de chauffage, de plomb. Je te jure que je sais pas qui c'est. C'est plein d'huile. Parce qu'il y avait un problème. Et la porte elle était un peu forcée. Un problème de plomberie. Plomberie de quoi? Vous voyez pas qu'elle est toute mouillée? La plomberie sous le matin. Elle l'a fait. Vas-y t'énerve pas. Mais tu fumes quoi? J'étais en train d'éponger. À part des futurinaires, elle a quoi? Fume machin. Mais tu parles comment toi? T'es fou quoi? À part des futurs. Mais t'es malade ou quoi? Mais tu fous moi, mais tu sais quoi? Je préfère un mec comme lui que toi. Je préfère un mec comme lui. Fous le dehors, Sylvain, fous le dehors.

thinking my dad, 'cause she grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Call me 'cause she lasts. God forbid something happens, at least that song is a smash. Amis. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui les amis, on est là jusqu'à 23h. On est super content d'être avec vous. D'ailleurs on parle des relations toxiques. Comment s'en libérer, souvent amoureuses. D'ailleurs Solène pense être dans une de ces relations. On essaie de voir les symptômes. On a dit déjà quand on se refait le film de certaines conversations. Quand vous êtes tenté de vous remettre en couple, alors vous savez que c'est mort, que vous êtes deux opposés, mais t'es amoureux, c'est comme ça, c'est toxique. T'as un espèce de cordon qui relie vos deux cœurs et sans cesse tu penses à elle. Il y a aussi un autre élément, c'est quand tu refuses toutes les propositions de soirée. C'est-à-dire qu'en fait tu restes dans ton truc. Tu veux pas aller en soirée parce que t'as peur que ça véhicule une image de genre je m'en fous, et t'as peur que la personne en face se dise bon bah ça y est, il a tourné la page, t'as envie de rester dans ton chagrin, t'as pas envie de rencontrer de nouvelles personnes, enfin tu déprimes quoi. Bien sûr, moi je restais enfermée pendant 3 ans sans vous mentir. Quoi ? Enfermée. 3 ans enfermée, j'avais ma boutique de fringues à l'époque, j'allais au travail maison, il est bête, travail maison, en mode une petite dépression parce que pour moi, cette personne était devenue indispensable à ma vie. Sans lui, je n'étais rien. Tu vois ce que je veux dire ? C'était très particulier, pour m'en sortir, mais j'ai ramé. Et tu repenses à lui des fois ? En fait, c'est une histoire particulière. Ouais. Oh là là. C'était une histoire qui s'est terminée d'une manière assez particulière. Ouais. Donc forcément, des fois, je me dis, comme dans la chanson de Vita, où il est, qu'est-ce qu'il fait, tu vois ? Pourquoi qu'est-ce ça s'est terminé comment ? Ça s'est terminé mal parce qu'il m'avait caché énormément de choses. Ouais. Et ça s'est terminé au poste de police. Mmh. C'est pas vrai. Voilà. Ah ouais, parce qu'il avait fait des trucs de ouf. Il avait fait des trucs un peu bizarres que voilà, je savais pas, je me voilais la face. Ah ouais. Et du coup, voilà. Je veux pas en dire plus, mais en tout cas, j'ai appris des choses bizarres et c'est vrai que c'est grâce à ça que moi je me suis sortie de cette relation toxique. Après, tu rentres dans une spirale, tu vois. Exact. Ouais. T'as des œillères, tu penses que ce qu'il fait c'est bien, mais en fait c'est mal. Ouais. Et après, voilà, et après il te lâche comme une merde. Solène, tu te reconnais dans tout ça un petit peu ou pas, Solène ? Ouais, bah déjà ça me rassure d'entendre que je suis pas la seule. Ouais. Mais carrément, moi j'ai même plus envie de. J'ai plus envie de sortir de toute façon. Ouais, t'es dans la déprime. T'as des copines, non, je sais pas. Essaie de voir tes potes, c'est pas grave, tu leur dis j'ai déconné, tout ça. Moi, un jour, j'ai vu un toubib quand j'avais. Tu sais, mais c'était mon pote, tu vois. Je faisais du rugby avec, il était docteur. Ouais. Et je disais, ouais, putain, justement, j'ai un poteau, pareil, il arrive pas, il sort pas, et machin. Il me dit, ouais, mais c'est normal. Il me dit, en fait, c'est un passage que t'as, ça s'appelle la dépression. Dépression, et il me dit en fait il faut l'assumer et puis ça va passer un jour. Donc t'es obligé de passer par ces phases là. C'est vrai, c'est un peu ça chelou. Passe et tu penses surtout que tu vas jamais plus de ta vie retrouver quelqu'un ni l'amour. Ouais. Et au final c'est faux, tu peux retomber amoureuse 1 milliard de fois. Il y a autre chose aussi, vous regardez plus de 150 fois son profil Instagram, Facebook, vous êtes sur son profil dès qu'il y a une publication, dès qu'il y a une photo, dès que la copine de la copine met une photo. En fait c'est plus fort que vous. Vous avez besoin de savoir ce qu'elle fait et comment elle vit de l'autre côté cette séparation et ce truc là. C'est horrible, mais il faut bloquer, tout supprimer. Mais après tu repars, tu te dis bon, je suis tenté, je suis là. C'est facile à dire, mais j'ai l'impression que c'est toxique. C'est toxique comme ça, t'es attiré. Tu crées même des faux profils. Parce que moi, je me rappelle, j'avais. Non, non, c'est vrai, j'avais un coup de cœur pour une nana. Mettez neuneu.com, neuneu popo. Et mettez sa photo, ce couillon. Non, mais c'est vrai. Et en fait, le délire, c'est qu'elle m'avait bloqué sur mes vrais réseaux. Ouais. Et j'avais créé des faux profils pour regarder ce qu'elle faisait. C'est ouf. C'est ouf. Tu fais ça un peu, Solène, t'es pillé un petit peu pour voir ce qu'il fait. Ouais, en vrai, je sais que c'est pas bien, mais il m'a supprimé et du coup, je me connecte avec le compte d'une amie. Alors, c'est ça, c'est ouf. Putain, c'est ouf, c'est chaud. C'est, ça, ouais. C'est chaud. Bah ouais, bah là, t'es dans la relation. Et pour terminer, t'as fleur de peau. T'as envie de pleurer surtout. Ouais. Et t'es vénère, t'as les frissons, t'es pas bien. T'es pas bien. Et moi, surtout, ce que je faisais, c'est que tu fais croire à la personne que t'es en détresse, qu'un drame s'est produit, ah ouais. pour qu'il s'occupe de toi. C'est tu ouf. Vois, ah ouais. hier, j'étais avec les pompiers, j'ai fait un malaise, etc. Ah ouais. Pour que la personne te porte de l'attention. C'est vrai que tout le monde fait ça. Ouais. J'étais dans la rue. Ouais, c'est ça. Un coup de couteau, un coup de griffe terrible. Des fois, tu dis, je vais me foutre en l'air. Mais oui, mais exactement. J'ai réalisé que la vie est plus importante. Merde. Allez, je te le donne. Tasseliman. Je vais vous donner le remède quand même. Hein. Je vous laisse pas comme ça. Hein, puisqu'on l'a tous vécu. Des fois, ça a duré, Solène. Je vais te donner un petit remède. Eh oui. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Là, ça ne compte pas quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. Jusqu'à 23h, on parle des relations toxiques. Le Rico Show. Le Rico Show. Rejoignez la famille. 20h, 23h. Tous les soirs. Sur Énergie. Eh oui, on parle de ces relations toxiques, on a tout vécu. Ouais. Il y a une belle photo qui représente un petit peu tout ça, là, cet article que j'ai trouvé. En fait, vous avez deux cœurs, vous avez un cordon ombilical qui lie les deux cœurs, et en fait, qui alimente chacun des cœurs, et en fait, c'est pourri ce qu'il y a à l'intérieur, et malheureusement, vous êtes dans votre relation, c'est mort. Alors, vous répétez justement les conversations imaginaires, on l'a dit, vous épiez les réseaux, bref, vous êtes malade, vous pensez vous remettre avec la personne à l'heure qu'il ne faut pas, c'est cuit. Est-ce que vous avez des remèdes, Sarah ? Oh là là, un remède. Franchement, pour moi, ça a été le temps. et surtout de rencontrer d'autres personnes. Ouais, en fait, de me laisser la chance avec d'autres personnes. Ah ouais. Il faut un mec qui remplace un autre mec. C'est dur. Pour ma part, ouais. Ah, c'est dur. Ouais, quelqu'un qui me soutient et qui essaye souvent, de me rendre. Ah ouais, je comprends. Sylvain. Moi, je pense que les amis, là, tu vois, c'est là où. T'as vraiment des amis ou pas, tu vois? Ouais. Si. Ça remplace pas, parce que les amis, ils te comprennent pas. Personne te comprend au moment où t'es dans ils peuvent te faire oublier le dos. Ah. Ouais, ouais. Franchement, je pense. Et le pastis aussi. Le pastis. Non, avec modération, jamais, c'est des conneries. Solène, je vais te donner un petit remède, puisque t'es dans cette relation toxique. Voilà ce qu'on me dit. C'est un remède mystique, parce que finalement, il faut s'en remettre à des choses un peu mystiques. Ouais, je vous jure. Alors, on nous dit écrire une lettre à la personne avec qui vous voulez couper toute emprise. Vous prenez votre lettre, vous écrivez, d'accord? Vous fermez les yeux et dites à haute voix leur nom complet pour invoquer leur énergie. Genre voilà, moi je suis vénère contre Sarah. Je dis voilà Sarah, je voudrais plus être avec toi. Je ferme l'enveloppe et je dis Sarah. Arrête d'accord de me faire ta magie noire, là, c'est que l'Alexa ou quoi? Vous lisez à haute voix comme si cette personne était devant vous, d'accord? Comme si elle était devant vous, d'accord? Vous lisez. Espèce de salope, Sarah, sors de là. Tu embaumes mon cœur. Vire-toi, pars de là. Tu dis comme ça, tu places tes mains sur ton cœur et tu chuchotes les mots. Je te libère. Je ne suis plus attaché. Mais là, arrête, ça marche pas. Gars, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de remède. Vous foutez sous votre couette, vous bouffez du chocolat, vous attendez que ça passe, et un jour il y a un petit cul qui passe et ça change. C'est ça. Non, mais si on en revient à écrire des conneries pareilles, c'est qu'à mon avis, il n'y a rien qui marche. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est le cas. Mais c'est vrai, il y a un commerce des gens malheureux, c'est triste. Ouais, grave. C'est triste. C'est vrai, Solène. T'as compris, tu fous du chocolat et puis tu vas voir si l'herbe elle est pas plus verte ailleurs. Au moins, vous m'aurez fait rire, donc ça va. Ouais. Tu nous écoutes. Mais écoute, c'est au moins ça. Mais moi, je pense que le pire dans la relation toxique, c'est il faut que les deux s'en rendent compte. Tu vois, ils se disent bon, c'est mort. Et puis voilà quoi. Mais c'est dur que les deux s'en rendent compte. Ou faut qu'il y en ait au moins un des deux qui soigne. Comme ça, tu dis c'est vraiment mort. Il s'est barré quoi. Ouais, qui se barre et qui coupe le cordon d'un coup. Ouais, voilà, ouais. Comme ça, t'as plus le choix. Un coup sec, une circoncision. Allez, Solène, on va te faire un petit cadeau, on te fait plein de bisous. Merci, ma Solène. Merci beaucoup. Bisous. Et quand ça va pas, on est là pour toi, t'oublies pas, ok, ma Solène? Ouais, merci. Plein de bisous, on t'aime fort. Moi, je suis là si tu veux. Ah non. Ah, bah voilà le remède. Le remède. Le mal par le mal. Le bouton, les amis. On va se faire la boîte à dodos. Il y a plein de dossiers sur l'équipe. Il y a du très très lourd. On va en parler, les amis. Si. Oh non. On va en parler. Si, oh Sarah. Il y a des choses très très viles te concernant, les amis. Vous venez. Ça va être énorme. Et on va se faire tout de suite un jeu. Je vous le dis. On va se faire la patate chaude. Ah d'accord oui. Et on parlera de ces dossiers. 0870 42 48. Je prends 3 personnes. On se fait une patate chaude. Offenbach. Bam, ça tombe. This shit's a private jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah. You're smiling, taking my baseball cap. I want you to se leur file ? Elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Eh oui les amis, beaucoup de messages sur les relations toxiques, RICO énergie sur table. Je sens que ça vous a fait du bien d'en parler. C'est cool, ouais. C'est cool les amis. On se fait la patate chaude, je vous offre des cadeaux. Vous choisissez une personne que vous souhaitez représenter. On a Greg, salut mon Greg. Salut Rico, salut l'équipe. Salut mon poulet, tu choisis qui mon Greg? JM. Ouais. Très bien, salut Marine, tu choisis qui Marine? Salut tout le monde. Salut. Salut ma poulette. Ouais. Ça, très bien, il reste donc Stéphane. Salut Steph. Bah, pas salut, mêler, salut, hein. Comment ça va? Salut mon Steph, un beau cadeau pour toi. Si tu gagnes, tu choisis donc Sylvain, t'es obligé. Oh, ok. Ok. Il est vénère, attention, on démarre la patate chaude. Petite précision Rico, on est d'accord, on ne gagne pas de temps en répondant, en prenant 10 secondes. C'est promis, ça. On y va, top chrono, 1 minute 30, vous passez 1 minute. Vous passez la patate chaude, elle explose à la fin, le but ne pas la garder dans la main. Le meilleur moyen c'est de répondre correctement, top chrono. Qui chante Aïcha en 96 ça? J'ai pris l'aide. Bonne réponse, attention, avec qui Mariam interprète-t-elle les chansons de Dimanche à Bamako Sylvain? Ouais, je sais pas moi. Mariam, elle est avec qui? À ton avis? À Philippe. Amadou. Amadou. À quel pays les mentales a-t-il été inventé, Sylvain? Dans quel pays? Portugal. Non, la Suisse. Avec le rouge et le bleu, quelle est la troisième couleur dite primaire? Voilà, putain, je suis assez. Le bleu. Non, le jaune. Merci. De quelle couleur est le plumage de Daffy Duck, Sylvain? Ah bah il est blanc. Noir. Merci. Noir. Qu'est-ce que le tamour pour les Polynésiens? Le tabour? Ouais. Du taboulé? Non, une danse, il reste 30 secondes. Attention, quelle est la couleur du maillot de la sélection néerlandaise de football? Jaune, orange, orange. Non, mauvaise réponse. Quel fruit rouge garnit traditionnellement une forêt noire? Une cerise. Une suzette. Selon le proverbe, quelle plat se mange froid? Quelle place? La vengeance. Allez. Quelle ville est surnommée la capitale des Gaules? Je sais pas, Paris. Attention, selon le Lyon, selon l'expression sur. Voilà. Il a gagné du temps encore. Vous allez m'entendre encore, hein. Oh mon dieu. Oh, j'ai du mal, hein. A chaque fois je me fais ken. Et en plus tu changes la question et je connais. Non, non, ça va être plus putain. Je vais tout casser dans cette situation. Il a même pas répondu. Chaque jour il prend une teub. Je m'en bats les nouilles, la prochaine fois on commence par moi. Demain on commence par moi. Greg, t'as perdu mon poulet, je suis désolé mon Greg. Ouais, c'est pas grave. On va te faire un petit cadeau, Greg d'amour, ok? T'embrasses mon Greg d'amour, plein de bisous. On t'aime, merci hein. Merci Greg, t'es un amour. Pas de soucis. Merci beaucoup. Désolé pour toi. Je suis dégoûté. Pas grave, j'aime. La prochaine. Ouais, grave. La prochaine, mon Greg. Marine est là. Salut Marine. Salut. Marine, toi, t'es pour Sarah et Stéphane pour Sylvain. Des encouragements pour la finale. Allez au courage. Oh là là. On a envie. Ça donne envie. Hein. Steph, lui, il s'en fout. Hein. Ouais, lui, il dort. Steph? Je sais même pas pourquoi il joue, moi, en fait. Stéphane? Non, franchement. Oui. Stéphane, un petit encouragement pour Sylvain? Allez, Sylvain. Bah franchement, j'ai pas envie de jouer. Énorme. Je peux pas jouer ou pas? Mais t'as l'amour de battre Sarah qui est plus fort. Attention, c'est parti. Top à la finale. C'est parti. Une minute pour convaincre. Selon l'expression, sur quel astre peut-on tirer des plans, Sarah? Comète. Bonne réponse. Attention, Sylvain. Quel insecte est pris par celui qui se vexe et pique celui qui se fâche? Oh purée. C'est chaud ça, l'araignée. Et non, la mouche. Ah oui, la mouche. Pique, mouche. Ouais. Allez, arrêtez de commenter. Il est con. Quelle matière est le petit bonhomme chanté par Patrick Sébastien? Bah, tu sais ça. En mousse. Bonne réponse. Attention, Sarah. Quelle est la position du célèbre penseur de Rodin? Hein? Le penseur de Rodin. Le penseur de Rodin, je sais pas, il est assis en canard. Bonne réponse, il est assis. Dans quelle région française se trouve le Cotentin, Sylvain? Cotentin. Il gagne du temps. Religion Poitou-Charentes. Non, religion. Région. Région. Normandie. Comment était la femme chantée par Cookie Dingler en 84? La femme. Tu les aimes bien comme ça en plus. Cookie Dingler. Oh là là. Femme, les femmes, tu les aimes bien comment? Un peu ronde. Vite, je passe, vas-y. Je sais pas. Libéré, d'accord. Quel est le grade le plus élevé dans la marine nationale? Général. Non, amiral. Qu'appelle-t-on le 9e art? Ouais, j'ai gagné. C'était la bande dessinée. C'est Sarah qui l'emporte. Ouais. Il est plus neuneux que jamais, Sarah. Tu remportes ta Wonder Box. Ouais, c'est chaud. De toute façon, je l'ai fait exprès. Enfin, Sarah, je suis con, c'est Marine qui est pour Sarah. Marine, c'est gagné, pardon. J'ai fait exprès, mais arrêtez pas. Pour moi, attendez. Je suis désolé, ma Marine. C'est gagné pour toi, Marine. Bravo. Ah, yes. Allez, on se fait. Sarah, bien joué. Merci, j'ai rien fait. En bravo. Et Stéphane, je suis désolé, on va te faire filer une compile, mon Steph. Ok, ça marche. Bisous, mon Steph, on t'aime, mon Steph. Allez, I'm still here, les amis. Et puis derrière, on se fait la boîte à Dodos. Tous les dossiers de l'équipe, les coulisses, vous allez tout savoir. Croyez-moi, il y a du très, très lourd. Shadow, hurt

arrête un peu, Sylvain. Bon, par contre, le dimanche, il y aura une bonne chasse, quoi. Mais bon, c'est ah pas oui, grave. Ah oui. Allez, bouffer dans le resto de Sarah, mais c'est assurer une coulante. Mais tu sais quoi, je vais t'afficher et je vais enregistrer le sonore. Je vais dire à mes parents ce que tu viens de dire devant toi samedi au resto. Tu arrête, vois. Je rigole. Et t'auras rien à manger. Oh non. Et tu, vas payer. Ouais, c'est pas, alors. Attention. Cette bouffonne de Sarah a été convoquée dans le bureau du Big Boss de Énergie. Et cette pauvre meuf est arrivée en retard dans son bureau car elle a voulu se faire un ravalement de façade avant d'y aller. Oui. Tu voulais quoi, le pécho ou quoi? Pas du tout. D'ailleurs, Sarah, vieille loseuse, dis-moi pas qu'il a voulu relancer ta carrière de chanteuse. Vous êtes vraiment... Alors, tout ce qui s'est dit dans ce bureau restera dans ce bureau. J'ai un immense respect pour cette personne-là qui m'a vraiment encouragée à continuer dans tout ce que je fais. Oh là, voilà. D'accord. Et bravo, merci bravo. À lui. D'accord, bravo, bravo. On lui passera le message. Sylvain, ce crevard fait des posts sponsorisés hein, par un petit magasin de téléphone mobile. Mais espèce de blaireau, tu crois, grâce à ta vieille gueule, il va en vendre plus de téléphones. Non mais sérieux, fais de la pub pour des capotes discount à la rigueur. C'est bon. Tu crois qu'en faisant des pubs pour le téléphone, c'est un ami. Il arrive à voir les gens disant, hey, tu sais quoi, je te fais une pub sur Insta. Mais qui marche. Va aller acheter des téléphones? C'est un ami. Voilà ce que je fais pour les amis, moi. Ouais, c'est de ma personne. C'est beau, ouais, écoute. Enfoiré, hein. On aimerait tout ce que tu la fermes. Allez, les amis, on va se retrouver demain. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission. C'est la dernière de la semaine. Et demain, je vous le dis, on élira la meilleure ou le meilleur d'entre vous. Hein, on saura quel est le membre de l'équipe qui, pour vous, a fait un premier semestre de qualité. Ah, c'est demain. Ah ouais, demain. C'est conseil de classe. Demain, on va le faire. Demain, c'est le micro d'or. Donc soyez bien là pour décider qui est le champion des champions. Et puis pour terminer, vous le savez, le terroriste, ça y est, on l'a battu. Ouais, ouais. C'est bien. Donc je suis content. Bonne ils ont chose. Fumé, ils ont fumé, rotuit, poulet. On embrasse toutes les forces de l'ordre qui doivent rentrer et nous écouter dans la voiture ou le car. Là, on vous fait un gros bisou à tous. C'est bien que vous l'ayez fumé, cet enfoiré. Ouais, je suis content. Bravo. Je suis content, vraiment. Il bravo. Était temps. Bravo, il était temps. Top. Hein, une bonne note. Maintenant, on est tranquille. On peut, voilà, on sait qu'il est plus là. Il n'y a plus de trac, il n'y a plus de conneries. Et c'est un vrai bonheur. Bravo à tous. Bravo aux infirmiers qui bossent, tous ceux qui sont dans le médical et tous ceux qui ont œuvré autour de ça. On vous aime très fort. Et grosse pensée aux Strasbourgeois, évidemment, les amis, et les autres, et la France, et tout le monde. OK ? Allez, les amis, on se retrouvera demain. N'oubliez pas, l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Allez, c'est Mickaël maintenant. Eh oui, bienvenue. Ça va, Mika. Bienvenue. Ça va, tranquille. T'es en forme? La journée fut bonne. Le soleil a brillé. Tranquille. Ça fait froid, ça caille, hein, de plus en plus. Ouais, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Au mieux qu'il fasse froid et plein soleil que d'idorer de la flotte de merde. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est bien. Et puis c'était une belle journée. Voilà. C'était une belle journée. On est bien. Exactement. Écoute. Tout grâce à Marseille. De quoi? Alors, je vous le dis, JM a quitté le studio. Ouais. C'est pas une vanne. Il a quitté. Je n'allais même pas en parler. Non, mais il a quitté le studio. Il m'a dit, Emeric, je me barre. Il pas est... vous entendre. Parce que l'OM mais attends, quand est-ce qu'il gagne là? C'est parce que j'ai l'impression que chaque fois, un jour sur deux, quand on prend l'antenne, il perd. Non, mais c'est vrai parce que comme en Europa League, ils ont eu un point sur 16, je crois. Ah ouais, c'est du niveau. Bon, bah écoute, c'est pas très grave. Bah écoute, on est avec eux. Ça sera mieux l'année prochaine. On va allumer une bougie ce soir. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais ça me fait chier. C'est dommage. Ah ouais, mais bon, écoute, surtout pour lui. Bon, bah enfin, écoute. Bon, allez, c'est pas grave, les Marseillais peuvent nous appeler quand même, ils sont les bienvenus. C'est vrai, Allez. Bon. Profitez de l'équipe. Bonne soirée, les gars. Ciao. Salut à vous, ciao, ciao. On se fait le son de Kaiser Panda pour démarrer. 01 40 71 5000. On arrive après en direct avec toute l'équipe et vous en live. Fiesta, dite llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la gana. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú dos ven. Esta noche llego a hacerme con el parque, de noche me floco como Yandel. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Dándame, dándame. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacitas. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefieres. cuerpo no miente. La gente me echa Bogotá pa' rumbear y Boca pa' danzar. No llego todo ya, Pitbull y en el Oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente me echa. La gente quiere que te rumba, ya la vea. Quiero el ritmo sin ley. El papi pula, vamos a romper la frontera con un olé, yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Con la mano pa' arriba, yeah. Siente el ritmo, mamita, hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Que lo que. Un, dos, tres, go. Que lo que. Kai, Sier, Panda. Bienvenue sur Énergie, tous les soirs on est en direct. 01 40 71 5000, numéro du standard si vous voulez passer en live. Eh ben, tranquille, vous êtes les bienvenus. On est en décembre. Fin d'année. Noël arrive. C'est une fête magique. On célèbre l'amour, l'amitié, la joie. Noël, c'est féerique. La joie. La bonne humeur. La famille. Toutes les nuits, ils sont là. Ils sont là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. Ils terminent l'année en beauté. La vie est un combat. Une lutte entre le bonheur et le malheur a lieu. Tous les soirs, choisis ton camp. Tu aimes sourire et tu aimes rire. Tu es le bien. Bien. Tu es mauvais et tu te plains. Tu es le mal. Pressé de finir 2018. Une année mouvementée. Beaucoup de rire et d'amusement. Des problèmes et de grands moments. Ah, vous êtes génial. Ça se termine bien. Et heureusement, sans conflit et calmement. Et pourtant, après avoir subi des problèmes, des changements d'horaire, de grosses galères, des changements de studio, des changements de pays, des galères d'argent, une expulsion, une révélation. L'année se termine. Mickaël et toute la team vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. M.I.K.L. officiel. Allez, bienvenue à vous, Mickaël sur Énergie. Vous êtes toujours au taquet en direct, j'espère, en tout cas. 01 40 71 5000, c'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre. Si vous êtes en Suisse, c'est le 0800 83 103 6. Jordan qui dit bonsoir à toutes, à tous les fisteurs d'Anaït. Ça, ça commence bien. Salut Jordan, salut pote de Charleroi qui nous salue également. Il y a le Doulou Grand, salut la team, ça va? Oui, ça va pas mal, tranquillement. Belle journée aujourd'hui, ensoleillée, tout ça. Coucou l'équipe, vous venez, vous souvenez-vous, il y a peu de temps pour une histoire avec une fille et le polo chaud. Toff et Polo avaient promis de payer le rendez-vous si je réussis. Toff, c'est... Ouais. Si je réussissais mon coup, et ben ça avance bien. Toff, sale crevard, je t'attends. Très bien, Corentin. Toff n'a qu'une parole. Voilà, exactement. Et Mini-Pouce aussi, salut l'équipe, ça y est, les bars sont fermés, tout le monde chez Mickaël pour l'after. Eh ben, j'espère bien. Bon, Polo, passez une bonne journée. Ça va, tranquille. Très bien, Toff également. Bah, évidemment. Ok, parfait. Toff qui a passé la journée dans le froid aujourd'hui. Oh hein. Là là, je me suis... j'ai failli mourir de froid. Mais c'est une pâtisserie. Non, il a fait la prostituée en Bois de Boulogne. C'est pour ça qu'il a taillé sa barbe toute la journée. Oui, voilà. Oui, c'est parce qu'il a fait une erreur avec le drone et ça. Ça m'a taillé. Ça a coupé la barbe. Ah. Amina va bien également. Bonjour. Allô, Amina, mal au ventre. Ouais, Amina ça malade. Va. Ouais, petite forme, mais ça va. Je vais te masser. Mais oui, voilà, c'est là. Ça. Bon, ça va, merci. Une souffrance. Ramène à le la bidon. Ramène le bidon de ce côté-ci, tu vas voir. Je vais le masser, tu vas voir. Je déteste la crème. Ce mot. Le bidou. Le bidou, ça va. Le bidon, c'est dégueulasse. Oh, ça y est, tu vois, dès que je dis un truc, de toute façon, il faut qu'elle râle. C'est vrai, ouais. Bon, ok. J'aurais dit le bidou, elle aurait fait ah non, le bidou, c'est dégueulasse. Non, le bidou, mais ça si va, évidemment, ça son gars sûr dit bidon, là, elle aurait dit ah oui, je préfère. Mais tu rigoles, je viens de l'insulter pour ton massage, j'ai dit une souffrance à la fois. Ouais, c'est ça, ah, tu dis ça, mais après, enfin bon. Mais il me fait bon, peur donc, en même temps, c'est normal, toi t'as l'air gentil, c'est différent. Mais. Oh là là.